Le débat, Léo. Ça, c'est Radio Gémozo. Et c'est parti pour une soirée de folie en notre compagnie. C'est le débat des hauts. Il est 20h et quelques secondes, on est ensemble. Et qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, mais vous n'étiez pas encore en marche. Je me réservais le droit de vous lancer qu'après. Ce soir, comme tous les jeudis du mois, alors on ne sait pas c'est lequel, c'est le premier, le deuxième, le troisième, c'est une fois par mois, comme on dit à chaque fois. Donc, nous avons Julien. Bonjour. Bonjour Julien. Nous avons PJ. Bonsoir Julien. Comment ça va? Toujours bien. Voilà, les deux acolytes habituels. Ouais. Nous avons comme la dernière fois Lou qui est avec nous. Eh oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Lou. Et exceptionnellement, nous avons un nouvel invité avec nous ce soir pour notre soirée débat habituelle. C'est le petit Louis. Bonjour à tous. Ouais Louis, c'est super. Alors, on va attaquer une soirée très très très riche en émotions, riche en informations, riche en discussions. C'est un sujet qui nous concerne tous et qui nous intéresse tous. C'est les parasciences et le paranormal. Alors j'ai un problème. Ah oui, d'accord. Oh, j'avais pas mis le cue, machin. Ok, non, il y a pas de problème. Alors, non, mais en fait, il y avait pas de musique, je crois. Si? Ah bah ça, j'ai pas vérifié le niveau, donc je sais pas. Bon, bah voilà, bon, on s'est planté. À toi de voir. Non, mais on va pas refaire le lancement, mais bon, voilà, c'est notre troisième, notre quatrième. C'est la quatrième, mais c'est la première fois qu'on me prépare pas trop techniquement, donc... c'est vrai. Ah bon, alors, c'est comme ça, tu penses dans le grand bain. Prendre son envol à un moment donné. Voilà, hein. Exactement. Je vais prendre mon envol ce soir. Alors, nous sommes donc... Ça sature un petit peu, hein, pour toi. Pour moi, ça sature. Bon, pourtant, j'essaye de faire en sorte que non. Alors, parascience, paranormal... donc riche en débat, riche en discussion ce soir. On a un très très gros programme à tenir en 2 heures. J'espère qu'on y arrivera. Au pire, on refera une deuxième émission. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. En plus, on a un invité qui vient nous voir exceptionnellement à 21h. Donc d'ici une petite heure, on aura la chance d'avoir Jonathan, magnétiseur professionnel, qui sera autour de la table pour qu'on ait des expériences. On va peut-être mettre en situation, parce que quoi de mieux pour illustrer le paranormal que d'avoir quelqu'un qui est là-dedans et qui arrivera à nous expliquer réellement comment ils vivent la chose. Hein. On va planter le décor, comme toujours, avec Monsieur Cartésien. Monsieur Cartésien. Oui, c'est vrai que c'est bien d'attaquer avec Monsieur Cartésien, avec Julien. C'est moi, Monsieur Cartésien. Mais oui, c'est toi, Monsieur Cartésien. Ils me regardent tous. Oui, bon. Suis-je le seul? Non. Oui, non, on est tous un peu cartésiens à notre façon, mais... À notre façon. Mais t'y es quand même pas mal. Donc, pour toi, une première définition, une première approche du paranormal et des parasciences. Les parasciences, c'est des choses qui sont pour certains considérées comme de la science pas expliquée, et puis pour certains autres comme de la non-science. Voilà, c'est une définition que j'ai vue qui me semble correcte d'un point de vue cartésien. C'est des choses non scientifiques expliquées avec des termes scientifiques. On essaye de donner un caractère un petit peu crédible autour de choses qui ne s'expliquent pas, qui généralement s'expliquent en fait. On parle quand même de choses qu'on expérimente. Donc il y a une réalité, alors, il y a un réel derrière. On peut rentrer, je pense que c'est là qu'il est intéressant d'expliquer un petit peu la science, elle a des règles assez carrées, on va dire. J'allais dire strictes, mais j'aime pas trop le terme strict, parce que strict, ça sous-entend qu'il y a une notion de punition si on ne la respecte pas. Non, il y a des règles très précises. Pour que quelque chose soit considéré comme scientifique, il va falloir le conceptualiser, le théoriser. Ça, jusque-là, par la science, ils le font aussi. Mais surtout, il va falloir le reproduire, l'expliquer. Expliquer les résultats, conceptualiser tout ça, le théoriser, lui donner un cadre, lui donner un cadre dans lequel on va avoir la finalité de quelque chose des scientifiques. Ça va obtenir une loi ou une quelque chose de sûr qui peut être mis en question. Les sciences se remettent en question. Ça, c'est important dans les sciences, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Einstein, il a un peu remis en question tout le travail de Newton. Newton, il avait des choses qui étaient vraiment claires, nettes et précises. Sauf que, il s'est rendu compte que quand on va très vite, on parle de la vitesse de la lumière, il y a des phénomènes qui sont un peu plus compliqués. Mais surtout, il va falloir être capable de le reproduire. Et quelque chose est accepté et considéré comme scientifique quand il est accepté par les autres scientifiques. Alors, moi, je pense que pour nos auditeurs, ça va être plus simple qu'on ait tout de suite un premier exemple. Premier exemple qui me vient, c'est les sourciers. Pour moi, c'est de la parascience. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est de la parascience. Il n'y a rien de vraiment prouvé, il n'y a rien de vraiment scientifique, mais visiblement, il y a quand même quelque chose qui fonctionne. Le gars que tu payes en sourcier pour te trouver une source, bien souvent, il te trouve une source. Alors, sauf si on part du principe qu'il y a de l'eau partout. Déjà, ça c'est un cas particulier à la source. Alors, c'est prouvé, c'est pas prouvé. Alors, comment on fait ? La science, c'est des règles précises. Prouver, c'est quoi ? Prouver. Mais on reste sur le sourcier. Un exemple pour nos auditeurs. Il vaut mieux qu'on soit dans le réel. Moi, plutôt que d'être dans le théorique. Là, peut-être là-dedans, peut-être plus concret, parce que dans le sourcier, il y a deux métiers. Il y a le sourcier, il y a fontainier. Il y a les sourciers qui sont capables de ressentir des vibrations dans un endroit. Des gens qui sont très certainement électrosensibles et qui vont trouver facilement une veine d'eau avec sa profondeur. Je l'ai vu faire, j'ai expérimenté personnellement. C'est vrai que c'est assez impressionnant, mais je suis quelqu'un de très cartésien, très scientifique, mais j'ai réussi à trouver un puits rien qu'en utilisant des baguettes. Donc ça m'a fait tourner en rond sur 50 mètres de superficie, mais j'ai trouvé, et là où j'ai creusé, il y avait un puits. Donc un puits qui était caché, qui avait été refermé. Mais pour autant, ce que je veux dire, c'est que là où j'y crois moins, c'est tout ce qui est de l'autre côté, c'est-à-dire tout ce qui va être la détection sur les photos. C'est-à-dire qu'il y a, autant sur le terrain, je comprends comment ça marche, mais autant sur des photos, sur des cartes, quelqu'un soit capable de dire à tel endroit vous pouvez creuser à telle profondeur, parce que c'est quelque chose qu'on voit dans le commerce. T'as des gens qui vont sur plan sur plan, des fontainiers sur plan, pendule, ça existe au pendule. Alors ils le font au pendule pour les détections magnétiques. Ils orientent ça avec des systèmes d'étoiles et tout le totem. C'est très compliqué. Il y a vraiment un raisonnement derrière qui est cadré. Il y a des règles à appliquer. Et les meilleurs sont capables de te dire à distance, sans jamais aller sur les lieux, sans avoir des photos, mais juste sur un plan cadastral, de dire tel endroit, tel endroit, tel endroit, vous creusez, il y aura de l'eau, il y aura tel débit d'eau, telle veine. Les meilleurs, ça marche. Et là, la question se pose, ça marche ? Est-ce que c'est prouvé ? Mais justement, alors, est-ce qu'il y a une démarche résultat ? Non, mais est-ce qu'il y a une démarche scientifique malgré tout ? Est-ce qu'il y a des stats ? Voilà. Est-ce qu'on arrive au final à prouver que ça fonctionne ? Il y a une fédération départementale. Tu appelles un fontainier. Ouais, ça s'appelle des fontainiers sourciers. Ah, c'est dommage. Donc ils sont reconnus et c'est les mêmes qui font les forages. Ah oui. Donc si les gars investissent dans des camions, dans des tracteurs, dans du tubage et font les forages pour les agriculteurs et que les agriculteurs les payent aussi cher, un forage ça peut aller de 500 euros à plus de 20 000 euros suivant la difficulté du forage, c'est pas pour rien. Là voilà. Encore, d'un point de vue scientifique, Lou sur le sourcier, qu'est-ce que t'en penses du sourcier ? Il y a un résultat. Attendez, pas de résultat, Lou sur le sourcier, j'aimerais avoir son avis. J'ai pas une grande approche spécialement sur les sourciers, j'en ai vu deux, trois. T'as déjà vu les baguettes Oui, à la télé, vite fait, mais ça remonte aussi déjà parce que je regarde quasiment plus la télé. Mais oui, c'est vrai que je me suis toujours demandé comment ça marchait, si ça avait des résultats. PJ a donné une explication, il a donné son témoignage et au moins je suis contente d'être là parce qu'au moins j'ai pu entendre que ça marche, quoi. Ouais. Sur site, je le comprends, c'est comme des fourmis qu'on ressent. Donc voilà, plus on a de fourmis, c'est comme si les baguettes ne servent à rien en fait. Je pense que ça ne sert juste à rien. C'est juste un moyen de concentration. Et que c'est un moyen de concentration pour utiliser une partie du cerveau qu'on n'utilise pas régulièrement. Alors toi, c'est ton point de vue, ça c'est vraiment c'est l'idée du cerveau qui a des capacités qu'on ne connaît pas. Exact, on ressent un fourmillement, plus le fourmillement est intense, plus il y a d'eau. Et tu fais confiance à ton instinct, l'endroit où t'en sentis le plus, tu creuses. Julien, tout de suite, je pense que tu mérites de réagir. Oui, c'est crois-tu au fourmillement ? Est-ce prouvé ? Moi, j'ai pas réussi à trouver. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas de preuve de tout ça. Ouais, médicalement. Il n'y a pas de preuve. Scientifiquement, médicalement, tu n'en auras pas. Alors pourquoi pas ? Alors parce que on a réussi. Alors ils arrivent à prouver des trucs. On en aura, mais quand la science aura assez avancé pour comprendre tout le fonctionnement du cerveau. Non, parce qu'un fourmillement, c'est quand même un flux électrique. Moi, c'est ce que je ressentais, dans c'est un fourmillement. Non, mais donc nerveusement, ouais. On arriverait normalement à avoir quelque chose sur. C'est d'ailleurs, et c'est à peu près le même fourmillement que de l'électrosensibilité. C'est-à-dire que personnellement, je suis assez électrosensible. Les téléphones portables me dérangent énormément. Les mal de crâne et tout le totem. On a fait ensemble l'installation d'antennes radio, t'en souviens. On avait mal à la tête tous les deux, on l'a constaté. Donc voilà, et je pense que c'est lié. Et comment ça se fait alors du coup qu'ils n'ont pas réussi à, pas forcément à expliquer, les sciences ne cherchent pas, cherchent, mais avant de chercher, les scientifiques ils acceptent largement qu'un phénomène ne soit pas expliqué. Or là il ne s'agit pas de l'expliquer, il s'agit de prouver que c'est vrai. Donc le prouver c'est simple, il suffit de faire l'expérimentation, mais attention, très important, il faut l'expérimenter de façon neutre. Et c'est là que ça devient compliqué. C'est très simple à expliquer. Tu peux pas expérimenter un forage à 20 000 euros pièce. Bah ouais, c'est ça. Tu vas pas pour le fun, pour prouver, faire des forages. Bien sûr qu'il y a des études qui coûtent très cher. Et puis on compte gagner, pas gagner. Bah là, pour le coup, ça serait pas très utile. Il y a que deux techniques pour forer, trouver de l'eau. Hein, très honnête. Il y a l'étude géologique des sols. Les hydrologues. Voilà. Donc, qui est la version scientifique de la chose. Et il y a les sourciers fontainiers. S'ils existent encore, c'est que ça marche. Il y a beaucoup de choses. Non, mais existe encore dans une société intégrée, c'est-à-dire en faisant du commerce. Il y a bien de choses, il y a bien des choses un peu étranges. Parce que sinon, ils seraient cachés un peu dans un coin. Là, tu prends un annuaire, tu cherches le sourcier fontainier. Alors, pourquoi ils ne sont pas prêts à dépenser Julien, tu parles de choses étranges dans la société. Là, ce soir, il n'y aura que du très étrange. Donc, dans tous les cas. Voilà. Parce que juste pour nos auditeurs, on parle de sourcier, mais juste pour se dire où on va. Moi, sur ma petite fiche, on va passer par l'acupuncture, par l'hypnose, par l'astrologie, la cartomancie. Non, mais on va passer sur l'étrange. C'est la soirée de l'étrange. Ouais. Hein ? Mais voilà. Non, c'est la soirée. C'est la soirée de l'étrange. Donc, qu'on soit clair avec le concept. Ce soir, voilà, je vais pas vous dire le dernier mot qu'il y a sur ma fiche. Le dernier mot de ma fiche, c'est exorcisme. Donc, on va quand même traverser un monde assez tumultueux de paramonde, de para-réel. Ok ? Le raisonnement, ce qui va y avoir à chaque fois, ce qu'on va devoir toujours se poser, mais pour les sourciers et pour tout, et on parle d'études, tu parles de 20 000 euros, mais 20 000 euros pour une étude scientifique à l'échelle mondiale, mais c'est une étude à la con. Il y a quand même des problèmes plus importants sur Terre qui méritent 20 000 euros. Ben oui. Je pense que sur les cancers, etc., il y aura des investissements qui seront faits que pour prouver que le pauvre mec qui vend sa prestation 300 euros... Tout de suite, Julien, il y en a eu des études. Alors, je ne veux pas dire combien a coûté les études, mais comme il y avait des récompenses au bout, je pense qu'ils avaient déjà mis l'argent sur la table. Et il y a des études, il y en a plein. Évidemment, ils ne vont pas mettre autant que pour des médicaments, mais dans le médicament, ce n'est pas 20 000 euros une étude. Hein. 20 000 euros, c'est juste la préparation, hein. c'est juste le gars qui rédige les contrats. Hein. Donc, mais on n'est pas, il n'y a pas le même enjeu de résultat, de rentabilisation. Il y a un enjeu de rentabilisation. Prouver que les sourciers marchent, d'un point de vue scientifique, ça veut dire que pour ceux qui sont sourciers, ça voudrait avoir dire un aval. Donc, pourquoi qu'ils ne le font pas ? Et il y en a qui ont accepté de participer à des études. Il y a des gens qui ont accepté, il y a des études qui ont été faites, il y a des gens qui ont accepté d'y participer. Évidemment, ça n'a pas montré que ça fonctionnait, je pourrais en citer après, mais c'est rigolo, parce que prouver que quelque chose n'existe pas, on ne peut pas. On peut prouver que ça existe. Et que ce qui existe, on peut toujours le prouver. Ce qui n'existe pas, on ne peut jamais le prouver. Par contre, on peut prouver qu'on n'arrive pas à le prouver. Voilà. faire des études, il y a eu plusieurs études qui essayent de le montrer, et c'est rigolo parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais s'ils ont accepté de faire une étude, c'est que ce n'est pas des vrais sourciers. » Alors, avoir qu'un argument comme ça, c'est sûr qu'on va nous voir. Une étude, c'est très simple. Le prime abord, c'est le principe de la neutralité. Ça veut dire qu'il faut faire... Non, mais n'empêche, t'as pas tort, parce que j'ai lu des choses qui disent que, clairement, dans le monde du para... Il faut y croire. Non, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui est ouvert. Ouais. Non, puis il n'y a pas beaucoup de praticiens para qui sont ouverts à l'approche scientifique. Tout à fait. De preuves... Ils pensent surtout de croyance, hein, il faut y croire. Oui, c'est ça, tu l'entends souvent, ça. Et comme on a eu l'expérience pour ce soir, alors on va dire à nos auditeurs un sujet très clair entre nous. Ça fait 2 semaines qu'on est à la recherche d'intervenants pour notre soirée. On était super ambitieux, on voulait des voyants, on voulait un gars qui lit dans les cartes. Enfin, on avait vraiment l'ambition de faire quelque chose d'intéressant, de dynamique, d'interactif avec les auditeurs éventuellement en les prenant au téléphone. Impossible. Il y a une omerta sur le sujet. Ce monde du para n'aime pas trop s'exposer et n'aime pas trop être mis en cause. C'est un peu compliqué. Ils ont surtout peur qu'on prouve qu'on mette en évidence qu'ils sont dans l'erreur. Ça, ça c'est ton point de vue de, c'est un point de vue personnel. De gars qui n'y croient pas. Voilà. Oui, oui, mais c'est pas le, c'est un point de vue, c'est, une, un, c'est un, comment, un réseau, c'est quelque chose d'inconscient chez eux. Ils se disent pas ça eux-mêmes, mais voilà. C'est tellement, il y a tellement, il y a des choses qui sont tellement faciles à mettre en évidence que ça tient pas à la route. Si on prend le sourcier, Béji nous dit, je l'ai vu. Oui, mais scientifiquement, on s'en fout. Pour que ça soit scientifiquement, il y avait peut-être de l'eau partout. Non, mais il y avait peut-être de l'eau partout sur ton terrain. Par exemple, c'est une explication. Puits, par exemple, le puits, pour tomber sur le puits et sa margelle, excuse-moi, c'est pas de l'eau partout sur le terrain. Il y a d'autres explications qui sont données pour les sourciers. Par définition, quand tu creuses et que tu cherches un puits et que tu trouves le puits et sa margelle alors, qui est sous la fosse septique, excuse-moi, mais par définition. Tu t'es baladé et tu as trouvé que j'ai une vieille maison que j'achète, ça a été bouché il y a très certainement à peu près 50 ans. J'ai aucune idée de ça. Je n'avais jamais été renseigné du fait qu'il y avait une fosse septique puisque ça a creusé. Tu n'as creusé qu'à cet endroit. Ah, là où la baguette s'est croisée exactement, j'ai mis une pierre, j'ai attaqué à la pioche. Je peux pas mieux te dire. C'est tout, hein. Alors. Comment un scientifique qui essaye de prouver quelque chose comme ça, c'est en cherchant le résultat. Non. Mais tu sais, non. Entre guillemets, les grandes recherches scientifiques ont souvent commencé à constater un fait. Et après, il faut le reproduire. Et après, essayer de le reproduire. Alors, je n'ai pas trouvé des puits tous les jours dans mon jardin, je te rassure. Mais en tout cas, c'est toujours des ébauches. C'est-à-dire que tu cherches quelque chose, tu fais une expérience, tu as un autre résultat que ce qui était attendu. Tu essayes de le reproduire et de voir comment ça se passe. Moi, j'aime bien l'idée quand même, l'idée de Julien, d'aller dans la direction de la preuve scientifique. Parce que là, dans ce qu'on avait prévu de se parler, il y a le sujet qui vient derrière, c'est parce qu'on avait dit qu'on commençait par ce qui est gentil, dans le para gentil. Il y a le para médical. Donc, tout ce qui est du domaine médical, le paramédical. Ah, attention, le mot paramédical peut être ce qui n'est exemple fait, la kinésithérapie, c'est paramédical. Ouais, attention. Tout à fait, tout à fait. Mais alors, un exemple où la preuve scientifique est sujette à caution, parce que du coup, il y a des moyens, dans le pharmaceutique, entre autres, dans l'homéopathie, surtout qu'actuellement, il y a tout un débat sur Internet qui a lieu ces temps-ci avec la fake med, parce que vous avez entendu parler de ça, où justement l'homéopathie est remise en question par beaucoup de médecins en France, et ils utilisent Twitter pour justement essayer d'attaquer. Principalement le remboursement de la sécurité sociale. Exactement. Mais parce qu'il faut se dire que derrière, il y a des groupes extrêmement riches, extrêmement puissants, on ne va pas donner de nom parce qu'on va avoir peut-être des problèmes. Qui gagnent de l'argent avec quelque chose qui n'est pas prouvé scientifiquement. Qui n'est pas prouvé. Qui s'enrichissent avec la subvention de l'assurance maladie, quoi. Voilà. Enfin, si c'est remboursé, alors qu'il n'y a aucune preuve. Tout à fait, ouais. Il n'y a aucune preuve. Et une preuve pour un médicament, c'est encore plus important. Mais il y a eu des études, mais qui prêtent à caution, voilà. Quoi. Alors, c'est là que je vais rentrer dans les études, parce que, voilà, quand on veut prouver quelque chose, il n'y a pas 36 solutions. Il faut être neutre. C'est-à-dire qu'il faut une référence, et il faut que les sujets soyez pas au courant. Le principe, c'est ce qu'ils appellent l'étude à double aveugle. Pour un médicament, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est pas très simple, mais il y a une rigueur extrême. C'est-à-dire que quand ils mettent un médicament sur le marché, vu les enjeux qu'il y a, il y a quand même un organisme d'État dans la plupart des pays qui vont dire OK, on l'autorise. C'est même pas le rembourser, c'est l'autoriser. Ils filent le médicament à un certain nombre de personnes qui sont conscientes et un certain nombre de personnes autres, ils vont leur donner un placebo. Tout le monde est au courant du principe, mais personne ne sait qui prend le placebo, de qui prend le bon médicament. Et le médecin, ça c'est un truc très important aussi, le médecin qui relève les symptômes n'est pas non plus au courant. Personne ne sait, sauf à la fin, ils ont quand même fait des fiches. Parce qu'il y a un impact psychologique énorme, surtout que là on joue sur l'effet placebo. Donc c'est exactement un truc très. Nombre de médicaments. Très fin à doser. Il y a plein de médicaments. Enfin, il y a plein de. Le placebo, ça fonctionne. Il y a plein de médicaments hors homéothérapie qui sont aussi des placebos. Alors, l'effet placebo, on peut dire, ça a été prouvé. Il y a un effet placebo médical prouvé par des études. Mais il y a quand même une grande dose d'incertitude. C'est pas un truc qui marche à tous les coups. C'est un truc qui dépend vraiment de. C'est quasiment du psychique. C'est psychique. Mais c'est la volonté de se soigner. L'étude de médicaments va le comparer à un placebo. On connaît globalement l'effet. Le corps est capable de générer des substances qui vont elles-mêmes. Mais ça va dépendre de la maladie. Il y a des maladies où le psychique joue plus. Donc le placebo joue plus. Nous là-dessus sur la médication alternative. Qu'est-ce que t'as? Ça t'évoque quoi? En ce qui me concerne, je suis un petit peu plus portée sur les médecines plus naturelles et je m'intéresse doucement plus aux... Alors toi, tu disais moi je te parlais paramédicaux, mais je pense que tu veux dire des médecines alternatives. Je pense alors que c'est plutôt ça, pas forcément. Bah alors pour le coup alternative pas forcément parce que là tu me parles de médication naturelle, les plantes. C'est une médecine alternative. C'est une oui. Mais, la médecine. Oui, il y a des substances, il y a de réelles substances. Là on parle vraiment d'un cas particulier qui est l'homéopathie, qui joue vraiment sur le placebo. C'est du 100% placebo. L'homéopathie, c'est vrai que c'est compliqué c'est parce du 100% que le 100% placebo. Il n'y a pas du le tout. Le grammage, s'il faut l'expliquer aux gens, le grammage qui est utilisé pour fabriquer, c'est 99,9% le 2CH, 3CH, et le reste, une molécule qui est mise à 1 pour 1000. Donc c'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment une molécule en si petite concentration peut avoir un effet. Je rappelle que dans du médicament classique, on parle de 500 mg. Parce que, alors, non, mais voilà. Dépend, parce que, mais c'est dilué. Mais, messieurs, dames, voilà, nos auditeurs, c'est dilué au point que dans une petite fiolotte avec les petites billes que tout le monde connaît, il n'y a quasiment aucune chance de trouver une seule molécule active. C'est ça, c'est tellement ça, c'est dilué. C'est ça le truc. C'est du sucre. C'est du sucre. Pour autant, personnellement, j'ai beaucoup testé l'arnica en homéothérapie. Ça marche plutôt pas mal. Bon. J'ai jamais eu à m'en plaindre. Tout ce qui est cool. J'ai failli mettre la musique d'X-Files. Oui, c'est pas. Il y a rien de. Voilà, je veux dire. Je dois pas être le seul à avoir essayé. Il y a des molécules qui ont des effets. D'ailleurs, les médicaments. Mais ça dépend sur quoi. Sur un coup, sur des choses comme ça. L'arnica, c'est pour les coups, oui. Mais voilà. Oui. Mais peut-être que là, l'effet placebo sur ce genre de mots. Sur et ce genre de mots, efficace, tout à peut-être fait. Efficace. Mais bien sûr, mais non, mais le placebo fonctionne, mais l'arnica fonctionne peut-être. Vous savez, comment on soigne. Non, mais soigne là, je te parle d'arnica en mode homéopathique, en petite bille de glucose. Parce que les kinés, ils soignent des fois tout bêtement avec du froid ou du chaud. Hein. C'est pas très violent, hein. C'est pas dangereux le froid et le chaud. Et sur les muscles, sur les os, le froid pour certaines choses est bien, le chaud est pour certaines choses est bien. Ça, c'est bon, ce qui est recherché. Alors quand il faut les deux, c'est compliqué, donc ils vont privilégier le plus important. En général, ils commencent par ou un. Faire des alternances de l'un et l'autre. Ouais, voilà, ça va dépendre. Après, c'est un métier, hein. c'est leur métier, c'est des grandes formations. Ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble. On se retrouve dans quelques instants après un petit morceau de MG Cole et Koji Radical. Alors oui, pour une fois, j'ai préparé des fiches sur les morceaux. Donc, un morceau de 2018, composition Matt Coleman et d'autres gens. Ça vient tout droit d'Angleterre. C'est une tendance UK Garage, comme ils disent. C'est une sous-variante de la house, mais à version UK. Donc on écoute tout de suite le morceau Shout It Up. We'll be right back. parti pour la deuxième. Non, c'est pas encore la deuxième partie, mais on y sera bientôt. Qui est arrivé 20h27. Non, c'est bon. Parce que je vous rappelle que d'ici une petite demi-heure, on reçoit notre invité pour notre soirée paranormale. Bon, c'est pas très paranormal ce qui se passera à 21h, mais c'est déjà super sympa. On reçoit Jonathan, magnétiseur professionnel sur le secteur de Remiremont, qui va nous faire une démo où on va en tout cas discuter avec lui de son métier, de ce que ça fait, etc. Ça risque d'être super intéressant. Donc, du coup, comme on disait, on était sur la paramédecine, donc en rapport avec ce qu'on va voir tout à l'heure avec notre invité. Pour le coup, oui, c'est exactement ça. La paramédecine, donc les magnétiseurs, les rebouteux, les coupeurs de feu. PJ, qu'est-ce que tu as à me dire sur... surtout ça. Je connais pas ça. Ben, le coupeur de feu, c'est PJ qui m'a dit. Tu peux rencontrer. Mais c'est vrai, oui, c'est les barreurs, ce qu'on les appelle barreurs. Aussi les barreurs. Il y a 36 surnoms. Ça a beaucoup survécu dans le Doubs et puis côté suisse, où ils sont peut-être plus ouverts par rapport à ça. On en a dans les Vosges. Hein. On ouais, en a dans les Vosges. Mais là-bas, ils ont un statut un peu particulier parce qu'ils font de la médecine parallèle de manière assez officielle. Ils sont reconnus au niveau légal, ils sont reconnus au niveau fiscal. Donc voilà, ils ont autorité. Ils servent encore énormément, alors que nous, c'est vrai que dans la France un peu plus profonde, c'est plus dans la culture. Donc on a le contact d'un voisin qui lui-même va voir quelqu'un et qui a rencontré souvent, quelqu'un. Ils vont à plusieurs. On fait une session, on va chez le barreur, machin. Il y a la petite qui a une verrue, ouais, y a machin qui ça. A mal au pied. Enfin voilà. Donc c'est plus discret. Mais c'est vrai que si je regarde ce que font un peu nos amis suisses par rapport à ça, donc ça marche par filiation, pas par filiation de sang. Mais ça marche par filiation de le barreur ou le coupeur de feu choisit en fait la personne qui va lui succéder et lui donne en fait un petit livret et puis des formules qui sont orales que la personne doit prononcer par rapport au type de maladie et au type de posologie à pratiquer, ainsi que parfois pour ceux qui sont les plus avancés, des choses qui ressemblent un peu à l'ancienne sorcellerie, c'est-à-dire des décoctions de plantes à utiliser et à appliquer. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Pour le coup, la décoction de plantes, niveau scientifique, je suis tenté de dire pourquoi c'est pas. C'est presque bon. On est presque plus dans le para parce que c'est quand même. Des plantes. Y a les médicaments sont issus des plantes. Il y a énormément de médicaments. Pas tous, mais bon, énormément. Partie, hein. Ah bah oui, non, voilà, mais alors je suis pas un grand spécialiste, mais quand on va parler de plantes, cette plante est-elle efficace? Eh oui, il y a eu des études. Ah oui, bah oui, d'accord, mais on a identifié. Il y a une molécule à l'intérieur. Et on a réussi, je vais pas citer le cas concret parce que je vais dire des conneries, mais il y a une plante qui est utilisée par une médecine ancestrale qui fait des choses, et les scientifiques s'y intéressent et ils vont pas forcément dire ah non, c'est du paranormal. Il y a des fois, il y a une avance où effectivement ils trouvent qu'il y a quelque chose. Et à ce moment-là, ils vont chercher plus loin comment ça se fait. Ah ben ouais, on a isolé la molécule dedans qui a tel effet parce qu'on l'a donné à tant de personnes. Et tant de personnes ont donné une fausse, et on a comparé effectivement ceux qui ont la molécule ont des meilleurs résultats de guérison que ceux qui ne l'ont pas, ou plus grave parce qu'il y a des effets secondaires. Et on trouve la molécule, alors généralement après ils ont fait un médoc, hein. Il faut dire des choses comme ça, il y a de l'argent. Malgré cela, même le fait que l'industrie pharmaceutique s'accapare ces molécules, tu as encore, là, il y a deux semaines, j'étais à Paris, tu as encore des herboristeries qui font pignon sur rue, qui te vendent des tisanes qui sont super réputées. Pour certains problèmes de peau, ils te font des crèmes à base de plantes qui font autorité. Hein. Alors, sur certaines maladies, ils t'envoient forcément chez ces gars-là. Mais il n'y a rien de paranormal. Mais voilà, c'est pour ça que l'on n'est pas dans pas. On s'éloigne donc du sujet, messieurs, dames. Donc on retourne. Contre, je réagis là sur les barreurs de feu. Ça m'a fait coupeur de feu. Ça m'a fait sursauter ce côté de transition, de transmission. C'est très choquant d'un point de vue scientifique. Parce qu'on est dans une société moderne en France, en tout cas. Moi, je me considère comme une société où chacun est égal. C'est un choix, c'est une capacité à travailler, faire des études ou plus ou moins importantes qui va nous permettre de faire le métier qu'on veut et certainement pas d'avoir été choisi d'être... C'est pas choisi, t'as une sensibilité ou tu ne l'as pas. C'est exactement ça, je pense que c'est fait dans l'esprit, dans deux esprits. Un, c'est la suite celtique, c'est grosso modo les manières druidiques. On avait des druides avant dans les bois qui choisissaient leurs successeurs. Et de la même manière, dans tout ce qu'on a pu, tout ce que j'ai pu lire, dans tout ce qui est sorcellerie, les sorcières choisissaient les gens qu'ils allaient former, à qui ils allaient transmettre le savoir. Donc, pour notre coupeur de feu, tu penses, pour un coupeur de feu, pour un barreur, coupeur de feu, tu penses que c'est une sensibilité. Une prédisposition, oui. Il y a quand même une prédisposition. C'est pas seulement un enseignement que ton. tes pairs t'enseignent, il faut avoir une capacité, voilà, ils choisissent des gens qui ont des capacités proches des leurs et dont ils savent que s'ils ont le bon mode d'emploi, ils sauront s'en servir de manière correcte. Il y a vraiment une idée que si la personne a des velléités à faire pas de la magie noire, mais grosso modo à faire le mal autour d'elle, un peu comme dans la logique du vaudou où la personne voudrait malheureusement avoir une mauvaise démarche envers les autres. Je vous rappelle que ils n'en veulent pas. Les vaudous sont pour la deuxième partie de l'émission. Oui, ça on rentrera dans le détail plus tard, tout à fait. Mais donc voilà, il y a vraiment une idée de garder le bien et le bénéfice à la communauté et donc de trouver les personnes les plus aptes à savoir, de se servir de ce savoir. D'accord. La transmission. Moi, j'aimerais avoir l'avis de quelqu'un qu'on n'a pas encore entendu. J'aimerais avoir l'avis de Louis. Est-ce qu'il a déjà été confronté, je regarde son père d'abord pour savoir, est-ce que tu... Mais en même temps, on ne lui a pas donné d'exemple. Le barreur, qu'est-ce qu'il va guérir avec des méthodes un peu alternatives? Déjà, son père pourrait nous répondre. Oui, on peut répondre. Bah, ça va être tout ce qui va être juste la position des mains au-dessus d'une source de douleur, par exemple. Mais ça va être orienté sur la douleur. Souvent, c'est les douleurs, les rhumatismes, les maladies de peau, tout ce qui va être boutons, tout ce qui va être pustules, tout ce qui va... Enfin, voilà. Ouais, les verrues, ouais, tout à fait, les verrues. J'ai entendu parler de soins faits par des barreurs sur des verrues. Les rhumatismes, ça revient assez souvent. Les mal de dos, les lombalgies, des choses comme ça. Alors typiquement, Louis, quand on te dit ça, que quelqu'un va poser sa main sur ton bras et tu auras moins mal si t'es tombé juste avant, est-ce que tu y crois ? Non. Ah, la réponse est claire. Moi j'y crois par contre. Toi t'y crois ? Ah oui. Tu crois qu'on peut soulager magnétisme ou par transmission ? Par la chaleur ? Vous l'avez jamais fait ? J'en ai parlé un petit peu et puis quelqu'un m'a donné une super comparaisons sur tout ce qui est magnétiseur. Je parle pas des effets qu'on peut avoir, mais juste sur certains aspects psychologiques. La personne nous disait, mais quand on va chez le coiffeur, on a quelqu'un qui s'occupe de nous, qui nous coupe, on sent des fois mieux. L'effet empathique. Il y a un phénomène que tout le monde a constaté, tout le monde, surtout ceux qui ont des enfants, on connaisse, on arrive à super bien soigner plein de bobos avec les bisous magiques. Et ça marche toujours. Je vois un sourire sur les lèvres de mon fils et donc ça indique que oui, alors, ça doit marcher. Louis, est-ce que tu crois aux bisous magiques ? Non. Ah, bon. Un peu grand, mais... tu deviens plus grand, mais bon, je peux vous confirmer qu'il y a 3-4 ans, les bisous de papa, ça permettait d'éviter d'avoir mal après les chutes. Ça marche. C'est tous les êtres humains, quand ils sont jeunes, ils croient, c'est tout à fait naturel, normal, parce qu'il y a ce petit côté psychologique, on s'est occupé, et voilà, la douleur, elle était réelle, bon, pas toujours très importante, et voilà, le temps que la douleur, elle ne dure pas forcément longtemps, mais il y a un choc psychologique quand on a une douleur, surtout quand on est jeune, parce que le cerveau est moins habitué. Et le fameux bisou magique, mais voilà, il y a plein de versions. Il y a le mercurochrome, des fois qu'on met, qui soigne. Des fois, il soigne pour de vrai, hein, quand on met des désinfectants. Mais il y a tout ce côté psychologique. Il est vraiment réel, il est vraiment existant. C'est le côté placebo dont on a parlé tout à l'heure. Il existe à tout niveau. Il existe avec des médicaments pour des personnes adultes. L'acupuncture, je la mets dans le même panier. C'est compliqué l'acupuncture, parce que c'est une médecine traditionnelle chinoise, donc on en parle quand même de quelque chose qui a plusieurs millénaires. Je pense que ça a été étudié. Ce qu'on évoque là, les plantes, etc. Enfin, les plantes, on n'a pas mis ça dans le. J'ai pas fait de recherche sur l'acupuncture, donc je ne vais pas donner de cas concrets. Le traitement des centres nerveux. Voilà. Donc, mais est-ce que c'est prouvé médicalement ? Voilà, je sais qu'on commence à s'en servir à l'hôpital. Ça, la thérapie par le miel. Il y en a qui arrêtent de fumer par acupuncture. L'acupuncture pour à la place de l'hypnose. Ça sert. Il y a même des opérations faites sous hypnose légère ou acupuncture. Moi, j'ai eu des cas des personnes qui m'ont parlé, mais c'est toujours pareil, hein, scientifiquement, études à double aveugle. C'est ça qui va permettre de dire que c'est cohérent ou pas, parce que je vais parler de trucs qui n'ont rien à voir avec le parascience. Mais je vais parler d'une étude que j'avais entendue il y a longtemps, où j'étais un petit peu plus jeune et on parlait de la théorie de la relativité, je ne comprenais pas, du coup j'avais tendance à ne pas y croire, et puis quelqu'un me dit, ils ont fait une invention, une expérience, ils ont mis une horloge atomique dans un avion supersonique, l'avion supersonique a fait le tour de la Terre, ils l'ont comparé avec les autres horloges atomiques et il y avait un décalage. Ouais. Ben ouais, mais ça veut dire quoi ? Ça veut peut-être dire que le fait que l'horloge... Bah, on part d'un phénomène, d'un phénomène constaté... C'est un phénomène constaté, mais qui ne prouve pas. Il ne prouve pas. Il donne une indication que l'horloge atomique, quand elle va vite, se décale. Ça veut peut-être dire que l'altitude la fait se décaler, peut-être. C'est peut-être pas la vitesse. Donc, c'est toujours ça. toujours la question du témoin de référence. En médecine, on va utiliser un placebo. Dans un autre domaine, on ne va pas utiliser un placebo, mais on va utiliser un témoin de référence. C'est-à-dire, on va pratiquer, on va pratiquer l'expérience dans un cas qui n'est pas censé fonctionner. Et on va le faire plusieurs fois, parce qu'il y a toujours les... Et on va pratiquer l'expérience dans des cas qui sont censés fonctionner. Et on ne va pas dire, lui, ça marche, ça marche pas. On va dire, lui, ça marche mieux. Dans le cadre de la médecine, je vais mettre un bémol. Parce que dans le cadre de la médecine, ce qui va intéresser le médecin avant tout, c'est la bienvenance envers son patient. Donc de pouvoir sauver ou de pouvoir faciliter une opération. On va parler des opérations de chirurgie. Si un médecin, avec les outils scientifiques, se dit « Bon, je peux éviter d'avoir une anesthésie générale, je peux éviter d'avoir une anesthésie locale, et si ça marche avec de l'hypnose et que le patient est réceptif, pourquoi pas m'en servir ? Je ne sais pas réellement comment ça fonctionne, j'ai encore du mal à comprendre cet ensemble de d'ondes alpha et θ dans le cerveau de l'être humain qui fait qu'on bloque les récepteurs de douleur, mais si ça marche et que ça évite d'avoir des suites opératoires, en tant que médecin, la priorité, ce ne sera pas d'avoir l'explication scientifique. Loin de là. Mais bien sûr. Ce sera d'avoir le bénéfice résultat pour le patient. Mais bien sûr, mais ça ne change rien. C'est peut-être ça l'intérêt, c'est qu'en médecine, justement, on sera plus ouvert par définition à essayer d'autres méthodes que celles qui auront été validées par la science. Et il y a un médicament qu'on connaît tous, que les médecins prescrivent en très grande quantité, c'est le paracétamol, on ne sait pas comment il fonctionne. On sait juste qu'il fonctionne parce qu'on l'a étudié. L'acide salicylique, l'extrait de saule, ça fait des siècles et des millénaires que les druides utilisaient avant. Le paracétamol, c'est quand même un antipyrétique, c'est prouvé. Quoi, hein. Oui, mais on ne sait pas comment il fonctionne. Les mécanismes de la molécule, on sait comment l'aspirine, on sait son mécanisme de fonctionnement. On sait ce qu'elle fait dans le corps. On découvre beaucoup de dégâts du paracétamol par rapport aux atteintes au foie, où on ne pensait pas qu'elles étaient aussi importantes et possiblement importantes. Là, on est très dans la chimie, dans la chimie des... Ce que je veux dire, c'est non, vital, mais ça a été découvert avant la médecine. Le paracétamol, on sait... C'est de l'extrait de saule, acide salicylique. Le paracétamol, tel qu'il est, on le connaît, on sait qu'il a des effets bénéfiques, on sait qu'il a des effets négatifs. Et voilà, les médecins considèrent, quand ils le prescrivent, que ces effets bénéfiques vont être... Enfin, le médecin sérieux, on se comprend, parce qu'il y en a des un peu... Mais le médecin... Il va prescrire un médicament, type paracétamol, en se disant il va avoir un certain nombre d'effets positifs qu'on s'attend, des effets négatifs, on va penser qu'ils ne sont pas trop importants pour le patient. Si le patient souffre de problèmes hépatiques, donc le foie, le médecin ne va pas lui prescrire de paracétamol parce que. Mais l'aspirine a plus d'effets secondaires, donc on va mettre du paracétamol. Mais on ne sait toujours pas comment il fonctionne. De mon point de vue, on est trop dans la chimie médicale. Ouais, je pense. Ouais. On a une soirée. Faut rêver un paranormal. On a besoin de rêver. Moi, je suis désolé. J'apporte pas du rêve. Moi, j'apporte du concret. Alors, mais tu vas nous apporter du concret dans quelques instants. On va faire une mini pause. Vous savez que j'ai encore plein de choses à dire sur les sourciers, mais on n'a pas le temps de. T'as quoi à dire sur les sourciers ? Non, mais j'avais. Ah, mais si, reviens aux sourciers. Ah oui, j'avais des cas d'études, des gens qui ont fait des études très intéressantes. Alors, je peux en citer. Donc, sur celle sur carte ou sur site ? Soyons scientifiques jusqu'au bout. Dans quel état de démarche ? Non, celle que j'avais, c'était toujours sur un site donc test, sur site, d'accord. Non, mais il travaillait sur site, il travaillait pas sur plan. Sur un site. Non. C'était un site test, c'est-à-dire que ils ont. Il nous a ramené sa liasse de papier. Ah oui, c'est impressionnant. Pour les auditeurs, à chaque émission, monsieur Julien arrive avec sa liasse. C'est un vrai notaire. Il arrive avec une quantité. J'ai pas la mémoire de PJ qui lit un texte, il s'en rappelle, il peut te réciter trois jours après. Non. Moi, je lis les textes et je me rappelle pas, donc j'ai nous t'écoutons, nous ne perturbons pas. Pas les lire parce que là j'avais 5-6 exemples d'expériences. Alors j'ai pas eu l'occasion de toutes les vérifier sur les d'où elles viennent, mais je pense que quand même c'est pas forcément faux. Alors il y a une étude. Alors c'est en 1980, celle-là c'était sceptique australien. On fait un concours où il fallait trouver dans quel tuyau coule de l'eau. Ou savoir détecter la présence de laiton, d'or, et il y avait un prix, le gagnant avait droit à 40 000 $. Ah, quand même. Déjà, on ne parle plus d'eau, parce que l'or et le laiton, là, c'est la pierre philosophale, c'est une autre discipline. Oh. Oui, non, mais après, d'un point de vue scientifique, c'est l'eau. C'est quand même un don, alors comment on appelle ce don de voir ce qu'on ne peut pas voir ? Enfin, c'est comme le jeu des cartes. Alors, c'est pas du mentalisme. Je te parle pas de mentalisme. Je te dis de deviner, par exemple, il y a deux pièces. Essaye de deviner la porte. Dans quelle porte il y a quelqu'un ? C'est de la médiumnie. Là, on n'est plus dans le sourcier. Mais on est dans le para. Ouais. Et on est quand même dans le sourcier de mon point de vue. On est quand même dans... Le sourcier, c'est l'eau, les liquides. Oui, mais il voit quelque chose que non. Le commun des c'est mortels ce que ne voit pas. C'est... Tu vois rien? Tu vois strictement il rien. Ressens. Tu ressens. On joue sur c'est les différent. Mots. Non, sur les mots. Non, parce que voir, c'est vraiment quelque chose de voilà. Tu t'imagines, tu vois la forme, elle est mentalisée et tout. Non, là, c'est juste. T'es un récepteur GGR, hein, ni plus ni moins. Hein, t'as l'aiguille qui monte ou qui descend. Hein. Ton exemple d'expérimentation est super intéressant. C'est vrai que et ça, du coup, il y a eu vraiment un résultat probant. Bah, personne n'a gagné. Ah personne n'a trouvé. Ouais. Ça me rassure. Voilà, voilà. Ça m'étonne pas. Alors, fait comme ça, ça m'étonne pas. Oui, oui, non. Mais alors, ils ont fait une à Munich. Bah, parce que tu peux pas détecter de l'or en étant sourcier, tout simplement. Ah, non, sinon, il y aurait des millionnaires. Hein. Sur l'eau, à mon avis, oh, même sur l'eau, ils ont réussi à rien. Et après, la canalisation d'eau. En fait, je comprends que ça puisse. C'est un des trucs les plus difficiles parce que tu sens l'eau quand elle est dans les veines. Dans les veines d'eau, donc dans le sol. Quand t'as un tuyau, un tube par définition, bah, si j'ai bien compris comment ça marche, t'es tout simplement perturbé par la forme que fait le tube. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois juste une... Tu sens rien. T'es neutre. Ton puits, pourtant, il n'y avait pas de mouvement. Il était. Non, l'eau. Mais c'est une nappe d'eau, c'est imbibé. Hein, oui. Surtout que c'est. Parce qu'il y en a des études. Il y en a, ils en ont fait. Hein, l'eau qui coule, l'eau qui a arrêté, ils en ont fait toute une série. Hein. Parce que dans les tuyaux. Les scientifiques faisaient c'est ça. C'est pas un cadeau. Alors attendez. Ça hors de la nature, parce que dans la nature, c'est faussé avec. Mais ce qui aurait été intéressant, ça aurait été un concours en pleine nature, dans une pâture, avec un contrôle de. Je veux juste. Dans la nature, c'est faussé. Parce qu'on voit la végétation, et la végétation est une. Julien, je t'arrête. Je veux juste que vous regardiez. Alors, les auditeurs ne voient pas, mais je vais vous décrire ce que je vois, moi. Je vois notre conducteur de la soirée. Alors, on est à la première ligne. Alors, je te l'avais dit, Julien. Nous sommes à Sourcier. Je vais juste arriver jusqu'aux conclusions des études, parce qu'on ne va pas détailler. Vas-y. Juste après, d'ailleurs, tu as ton quiz à mettre en place. Donc, on fera une petite pause okay. et tu auras donc le quiz de Julien. C'est pas tout à fait un quiz, mais... oui. Alors, les conclusions, c'est conclusion en fait... C'est toujours pareil. Hein. On peut avoir de la chance d'en trouver... Donc, il faut prendre en compte la chance dans une étude. Elle est prise en compte, les médicaments, tout ça, ils prennent en compte. Et donc, en fait, les conclusions qui arrivent de chacune des études, c'est oui, ça fonctionne, mais les résultats sont aussi bons que le hasard. Ah. C'est-à-dire qu'en fait, ça marche aussi bien qu'au pif. Et ils ont même refait une des expériences, celle de Munich, je crois que c'est celle de Munich, ils ont refait. L'expérience, la même, mais virtuelle. C'est-à-dire que c'est un ordinateur qui a placé les tuyaux virtuellement dans un décor, comme dans un jeu, et un autre ordinateur a décidé là où il y avait de l'eau. Et l'ordinateur qui choisissait, le deuxième, c'était un programme. C'était totalement aléatoire. Mmh. Ils ont eu les mêmes résultats, exactement, mais vraiment à des pouillèmes de différence, que l'étude de grandeur nature. Mmh. Et ça, ils le savaient, en fait. Ils ont que prouvé quelque chose qu'ils savaient. Alors, c'est juste non, ils n'ont rien prouvé. Ce qui est fou. Alors, ouais. Ils n'ont peut-être rien prouvé, mais là, de mon point de vue, le vrai fait marquant, c'est que ce n'est pas parce que cette étude est sortie qu'on arrête d'utiliser les sourciers. Exactement. Il y a encore des agriculteurs qui appellent des sourciers pour faire des puits. Ils ne feront pas autrement. Et ils ne feront pas autrement, ouais, c'est clair. Et parce qu'ils savent qu'ils auront le résultat. Julien, tu vas préparer ton quiz. On se retrouve dans quelques instants après Terrorize My Heart de 79.5. C'est Kate Mattison, chanteuse, claviériste de talent, qui va nous jouer donc un morceau sur son Rod, sorti en 2018 sur le label Big Crown Records. C'est un petit label new-yorkais de Brooklyn. C'est une petite pépite, c'est super, super sympa. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec PJ, avec Julien, avec Lou et le petit Louis. À tout à l'heure. bas des hauts. Ça, c'est Radio Gémozo. C'est reparti, donc on est de retour dans le studio de RGM à Saint-Étienne-lès-Miremont. Nous sommes toujours en compagnie de Julien. Re-salut à tous. De notre ami PJ. Bien sûr, bonsoir, re-bonsoir. De Lou. Eh oui, eh oui. J'étais partie là. Mais pour l'instant, t'as pas encore trop exprimé ton... Bon, on compte sur la personne qui vient d'arriver dans le studio pour essayer de te faire parler, parce que jusqu'à maintenant, t'étais pas très bavarde. Mais je suis pas aussi cartésienne que vous autres, donc c'est forcément, vrai. J'ai un peu moins ma place. Peut-être que t'auras plus de facilité qu'on va discuter avec Jonathan, qui est arrivé dans notre studio. Je l'annonçais tout à l'heure, nous avons Jonathan, magnétiseur professionnel dans le secteur, qui va nous parler de son métier. On a aussi Louis qui est autour de la table ce soir. Louis, le petit Louis, le fils de PJ, on peut le dire. Je crois que je l'avais déjà dit que c'était ton fils. Oui, c'est mini-moi, c'est pas largement, ça. Oui. Voilà. T'as même dit que c'était son père, au moins trois fois dans une même phrase tout à l'heure. C'est mon clone, comme ça, c'est pratique. Oui, il se ressemble. Hein. Donc, je vais laisser déjà la parole avant. On avait dit qu'on attaquerait le magnétisme de Jonathan à 9h. On va continuer avec Julien qui a lancé son quiz. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est un quiz. Moi, j'ai lu. C'est pas un quiz, mais ça, c'était pour tromper l'ennemi, pour pas vous faire poser. J'ai lu ce qu'il a écrit. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te représente? Oui. Tu donnerais une note de 0 à 5, où 0 c'est pas du tout toi et 5 c'est 100% toi, tu mettrais quelle note? Je mettrais un 4,5. PJ? 0. 0. Et Lou? Moi je serais aussi entre 4,5 et 5. Julien, tu peux peut-être monter mon micro, je crois que j'ai pas un très bon retour sur ma petite voix. Alors ta petite voix? Ouais, sauf si j'ai vraiment une toute petite voix. Hein. Pourtant, non, t'es très bien. Ah bon, bah, j'ai une toute petite voix, c'est comme ça, ça change pas, j'ai mes habitudes quand je suis dans l'aquarium en fait. Alors, où veux-tu en venir, PJ, oui. Avec... Alors, est-ce que Lou, t'as lu ce qui t'était destiné? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que toi t'en as dit? Ah, on aurait dit moi. On aurait dit toi. J'ai pas compris, donc j'aimerais que tu m'expliques. Comment j'ai fait parce que, il arrive à se mettre dans le corps d'autres personnes et à écrire. C'est un don, en fait. Expliquer aux auditeurs en fait ce qui nous a donné, nous a donné. Tu as parlé alors, de quiz. Explique-nous ce qui s'est passé pendant la pause musicale. Bah, Julien nous a distribué des textes avec chacun notre petit nom et Stabilité en bleu. Oui, Stabilité avec un très joli bleu fluo. Pour préciser, bravo Stabilo pour le joli bleu fluo. C'était bien préparé. Et en fait, il a dit qu'il fallait qu'on lise ce qui était écrit parce que c'était vraiment personnel. Il fallait pas en parler. Et quand j'ai lu le texte, déjà, il y avait mon petit surnom écrit au-dessus. Et puis, ce qui a marqué là-dedans, on dirait moi. Bon, je vais avoir 25 balais, donc je commence à bien me connaître. Et on dirait quand même moi. Ouais, c'est alors, ça. Ce qui est marrant, c'est que PJ, t'étais à côté, apparemment. Mais PJ, je pense qu'il a compris le truc parce que c'est un malin. Alors, en fait, pour vous répondre, il faut savoir que la moyenne de reconnaissance des gens de ce test, c'est 4,26, pour vous dire. Hein. Elle a été faite de nombreuses fois. Et le secret, c'est l'empathie. Vous allez le comprendre. C'est la capacité empathique. Jonathan, j'en avais fait un. Tu vas lire, médecin. C'est personnel, mais vous allez comprendre que tu peux te permettre de le lire. Et Lou est... Je signale juste que j'ai eu les gros yeux de Louis qui m'a demandé de monter son micro. Alors Louis, qu'as-tu à dire? Parce que... Non, rien. Bon, non, bon... Julien. Lou, Jonathan, tu vas lire le tien. Et vous attends, on a fait un pour Jonathan? Oui, bah c'est oui. C'est excellent. Ouais. Attends, je crois que je vois venir le truc. Allez, il va le lire à l'antenne? Oui, oui. Tu peux le lire à l'antenne, Jonathan? Tu peux. Oui, bien sûr. Allez, on y va. Alors, évaluation numéro 1. Vous avez besoin d'être aimé et admiré, et pourtant, vous êtes critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas encore utilisé à votre avantage. À l'extérieur, c'est génial. Vous êtes discipliné et vous savez vous contrôler. Oui. Mais à l'intérieur, vous tendez à être préoccupé et pas très sûr de vous-même. Parfois, vous vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou fait ce qu'il fallait. Vous préférerez une certaine dose de changement et de variété. Et devenez insatisfait si on vous entoure de restrictions et de limitations. Vous vous flattez d'être un esprit indépendant et vous n'acceptez l'opinion d'autrui que dûment démontrée. Vous avez trouvé qu'il était maladroit de se révéler trop facilement aux autres. Par moments, vous êtes très extraverti, bavard et sociable, tandis qu'à d'autres moments, vous êtes introverti, circonspect et réservé. Certaines de vos aspirations tendent à être assez irréalistes. C'est un truc de dingue. Et donc Jonathan, tu mettrais quelle note pour te correspondre ? Sur quelle échelle ? 10 ? 0 à 5. 0 à 5. Bon, t'as compris aussi. Sincèrement, je 4... non, attends. Moi, je dirais 4,8 quand même. C'est vraiment très proche. Hein. Ouais. Vous avez vu comment je peux faire un super test de personnalité. C'est excellent. Alors, ce c'est test de personnalité, il était fait par. C'est pas moi. Hein. Surtout que j'ai rien rempli. Hein, ouais. Oui, j'ai rien. J'avais tout préparé. Hein. J'avais tout préparé. J'avais dit ouais, j'ai appelé ta ancienne collègue. J'ai réussi à l'avoir. On a fait le test rapidement. Jonathan, il y a ton nom en haut de la feuille. Ah oui, il y a mon prénom sur les niveaux beau, stabilo bleu. Waouh. Et c'est un truc de dingue, Jonathan. Moi, chapeau l'artiste, ça. Ah, mais moi j'ai fait. Bon, voilà, on va dévoiler pour ceux qui n'avaient pas encore compris. On a tous le même texte. Exactement. Oui. On a tous le même texte et on était tous persuadés que c'était pour nous. Voilà. C'est un truc de dingue. En même temps, c'est toi qui nous as fait croire que c'était pour nous. Oui. Ah oui. Mais c'est ça fait partie du test. Hein. C'est le stabilo. C'était pour dire c'est important, c'est le sien. J'ai tout. Voilà. J'ai parlé de quiz et non pas de test de personnalité dans un premier temps. J'ai tout fait pour mettre le doute. Alors, et ça fait partie de l'expérience, hein, de faire, voilà, je peux, donc c'est un psychologue, ce texte c'est Bertrand Forer en 1948. Est-ce que ça nous fait, c'est pour ça que tu m'avais dit il faut qu'on mette ça juste avant les arts divinatoires. Voilà, je crois que là, c'est pas mal. On a apporté une réponse, en fait. Hein. Alors, on n'est pas du tout dans. Ça se rapproche du placebo, mais on n'est pas dans le paranormal. Hein. On est dans le psychologique à 300%. Hein. C'est-à-dire que le psychologue en question, il a montré que c'est très facile de faire quelque chose dans lesquels les gens s'identifient. Mmh. A fortiori, quand ils croient que ça a été fait pour eux. Parce que si on leur dit j'ai fait le test d'un autre. Vous pouvez faire ça avec l'horoscope. Hein. Vous prenez l'horoscope d'un autre signe. Je suis bluffé par ton truc là. C'est basé sur l'empathie humaine. C'est-à-dire que plus la personne va être empathique et plus elle va trouver des points de concordance avec le texte en disant ah bah tiens, ça pourrait être moi. Alors le lexique, le lexique lexical utilisé est très. C'est très dans le personnel. Exactement. Donc du coup, on a vraiment l'impression que. Pour l'empathie. Ça ne touche que l'empathie. Que l'empathie. Ça touche. Mais c'est surtout des concepts très généraux. Si on lit, vous aimerez être aimé et admiré. C'est le propre de l'humain, en fait. Il y a des exceptions, hein, mais la plupart des gens sont comme ça. C'est un truc de dingue. Vous êtes critique envers vous-même. Mais je veux dire, être critique envers vous-même, combien de personnes se disent mince, j'y arrive pas. Enfin, c'est humain. En fait, tu prends toute la liste, c'est des choses qui correspondent, c'est des choses qui définissent ce que les gens pensent d'eux-mêmes bien souvent. Donc, il n'y a rien de compliqué. Enfin, voilà. Donc, c'est un test qui permet de mettre en avant que quelque chose de très général peut être pris comme étant personnel, personnalisé. Alors, mais là, c'est une introduction aux arts divinatoires, mais du coup, j'ai quand même la sérieuse impression d'avoir été manipulé. Bien sûr, mais ça fait un peu partie du jeu d'une certaine manière. Alors là, c'est de la manipulation. C'est de la manip. C'est de l'induction. Dans le sens où on t'a mis là où on voulait que tu sois. Ouais, mais voilà. on m'a quand même bien mis dans une petite case. Ouais, mais on a mis. C'est juste ce texte, il fait juste une chose. Tu parles d'empathie, il y a un peu de ça, mais c'est pas beaucoup. Hein, oui, non, mais c'est surtout des concepts très généraux qui s'appliquent tout le temps, à peu près. Vous savez, c'est comme l'horoscope qui vous dit santé, ça va changer. Ils sont plus précis. Des fois, ils disent santé, ça va s'améliorer. Ça permet de faire le lien avec ce qu'on allait dire sur les arts divinatoires, donc sur l'astrologie, la cartomancie, la numérologie. On va essayer de s'amuser à déchiffrer déjà ces termes pour savoir à quoi ça correspond. Mais on était encore dans notre parascience médicale, dans la première partie de l'émission. Alors Jonathan, je ne sais pas si tu as écouté l'émission en arrivant. Partiellement, oui. On était à fond sur les sourciers. Donc nous, on est dans l'eau. ce qui change de la radio, c'est souvent dans la bière ou le vin, mais... Non mais voilà, ce qui va être intéressant avec toi Jonathan, c'est qu'on va pouvoir parler de la partie magnétiseur qu'on n'avait pas du tout approfondi à cause de Monsieur Demange qui avait vraiment travaillé le dossier. Monsieur Cartésien était là. Du sourcier, il avait envie de travailler sur le sourcier. Donc là on va aller. Mais le sourcier, c'est une source inépuisable de choses. Il y a tellement de choses qui ont été faites. C'est tellement ancien. Tenter de le prouver, prouver que c'est pas vrai. Ça paraît totalement être un sujet scientifique, alors ça ne l'est pas. Oui, c'est peut-être une des particularités de ce sujet-là, c'est vrai. C'est vrai. Dans la palette, il y a une vraie conséquence, c'est que tu creuses, donc ouais. Tu vas galérer à creuser, tu vas investir et tu vas avoir le fruit la récompense du divinatoire. Mais ça pourrait être du divinatoire. C'est du divinatoire. Il faut comprendre que ça pourrait être associé à une divinité qui te fait plaisir et qui fait apparaître l'eau à cet endroit. Dans l'idée divinité, celui qui devine. Celui qui devine. Le devin devine. Pas le divin, le devin. Le devin devine. T'es d'accord. Une chose qui est quand même importante en science, c'est qu'on ne peut pas prouver l'inexistence ou on ne peut pas prouver que ça n'existe pas. Hein. Donc on n'a jamais prouvé que ça n'existe pas parce qu'on ne peut pas prouver que ça n'existe pas. On a fait juste que des preuves, on a juste ne pas jamais apporté de preuve que ça existe. Parce que de toute façon, peut-être on ne peut pas. On a mis. Parce que ça ne marche pas. On a mis une heure à faire le tour du sujet du sourcier. Maintenant, on va remettre de l'eau au moulin. Ou dans le vin. On va mettre de l'eau dans notre vin. Avec Jonathan, qui est donc autour de la table. Jonathan, on a eu la chance de se croiser dans notre vie personnelle. Tout à fait. Et ça nous a permis d'avoir un invité. Parce que comme j'expliquais tout à l'heure, ça a été une galère. Ça fait 2 semaines que notre ami Lou use du téléphone, appelle d'innombrables contacts à elle, d'innombrables ricochets de contacts qui connaît un tel machin. Ah, j'ai essayé aussi. À plusieurs niveaux de recherche. Impossible de trouver qui que ce soit. Bon, après, il y a les vacances, il y a l'été, bon, on peut comprendre. Jonathan, qui es-tu ? Alors déjà, bonsoir, parce que j'arrive, je dis même pas bonsoir. Je lis tout de suite un texte. Très, très bien lu. Moi, je voudrais dire, attention, tu devrais venir plus souvent à la radio. Très belle lecture, tu ne l'avais pas vu avant. Hein. Merci. Tu l'as lu d'une... C'est ta première fois chez Radio Gamozo ? Oui, c'est ma première fois à la radio tout court. Ah, c'est sympa, c'est cool. J'ai déjà été interviewé à la télé, mais à la radio, c'est une première. D'accord, ok. Pour la lecture, je pense que c'est grâce à l'entraînement avec ma fille. Je lis beaucoup d'histoires en ce moment et insatiable, donc au bout d'un moment c'est vrai qu'on commence à développer certaines compétences. C'est ça. donc ta compétence à toi en dehors de la lecture. Alors, comme vous disiez, c'est le magnétisme. Alors par contre, je vais juste vous reprendre, je ne suis pas magnétiseur professionnel, dans le sens où ce n'est pas mon activité principale. Ça me permettait de faire mousser l'émission. Tu vois, voilà, mais je comprends bien, mais faites-vous un peu de publicité, je ne vous en voudrais pas. Je suis quand même magnétiseur, j'ai des compétences, je ne le nie pas. Après, je n'en fais pas une activité... Rémunératrice. Non, c'est tu pourrais pas en vivre. Non, absolument pas. Moi, c'est vraiment pour rendre service parce que j'estime qu'avec ce don, je devrais le mettre au service des autres et pas le garder pour moi, sinon ça me sert à rien et ça me permet, il faut bien l'avouer, de me donner un certain sens à ce don. Et comment tu rends service aux gens ? Alors, déjà... Pas dans la technique. La finalité, ça va être plutôt quoi ? Les gens vont venir te solliciter pour quel genre de problématique ? Ça peut être pour tout et n'importe quoi, mais généralement la finalité, ce que recherchent les gens, c'est d'aller mieux physiquement. Ça peut être également psychiquement, c'est pas des mots psychiques, mais moi, dans ma propre expérience, ça a surtout été des gènes physiques que j'ai traités. Et en fait, ils peuvent demander pour tout. Ça peut être j'ai mal au genou et ça perdure, j'ai une jambe qui boite, j'ai des boutons et j'en peux plus. Ah, si, quand même, j'ai oublié. Il y a une fois, j'ai eu un cas plus neurologique. On m'avait demandé, c'était pas même personne pour les boutons d'ailleurs, et elle m'avait dit je vois des choses, ce genre de choses là. Ah, merde. Ouais. Et elle se disait j'en ai conscience et on va me prendre pour une folle et peut-être que je suis, mais voilà. Donc, du coup, à discuter, elle m'a raconté des choses. En général, ça règle une souffrance. Voilà, c'est ça, ça règle une souffrance. Un mal-être, une souffrance. Et la souffrance peut être soit purement d'origine physique, mais elle peut être également d'origine psychique. Il faut bien avouer aussi que les deux sont généralement liés. Moi, dans ma pratique, c'est ce dont je m'aperçois, puisque souvent les gens, ils vont également, on va discuter, je vais apprendre à les connaître. Donc, il y a déjà, on va dire, un premier abord qui est un peu psychologique, quelque part. Hein. Avant, déjà... d'entrer dans la technique du magnétisme même. Et parfois, rien que le fait de parler, les gens ont commencé à sentir mieux. Déjà, ça a mis un puce à l'oreille sur l'origine réelle Le fait qu'ils expriment ce qu'ils... Ouais, donc, si je résume, tu es dans la même catégorie que coupeur de feu, que... C'est une autre manière de le dire. Oui. Peut-être avec un autre cérémonial, mais c'est dans la même... Disons que le magnétisme, c'est plus large. Les coupeurs de feu sont un certain type de magnétiseurs, si vous voulez. Oui. Ils sont spécialisés sur les brûlures, sur le feu, etc. Les barreurs, c'est pareil, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Les sourciers, pareil, c'est un type de magnétiseur. Parce que ça tourne autour de. Ils font autre chose. Parce que techniquement, comme on avait évoqué cet après-midi avec PJ en préparant l'émission, ça tourne autour de l'idée de flux d'énergie, de flux de chaleur. Oui. On va utiliser la même caisse à outils principale. Après, on va tous avoir une spécialité, disons. Mais c'est toujours une histoire d'énergie, du flux, d'ondes, si vous voulez. Voilà, moi, la question qui me vient tout de suite, ça, je pense que nos auditeurs aussi, c'est comment tu as acquis cette compétence. Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert par toi-même, ou est-ce que c'est un don familial? Raconte-nous un peu la genèse de ça dans ta vie. Alors, moi, je ne l'ai pas acquis. Ça s'est révélé à moi comme ça. Je m'en suis rendu compte en fait assez jeune. J'étais, on va dire, en vacances et avec un petit groupe. Et il y avait une fille qui avait très mal au dos, qui s'en plaignait tout le temps. Et au bout d'un moment, elle se plaignait beaucoup et je lui ai proposé de faire un massage au niveau du dos. Mais j'ai même pas pourquoi. Au début, tu l'as draguée en fait. Technique d'approche. Voilà. Non. Bon, on peut tout à fait interpréter comme ça, mais moi je sais que ce n'était pas pour ça et je ne sais même pas pourquoi. Tu le faisais vraiment avec bienveillance ? Avec bienveillance, parce que d'autant plus que j'étais très timide à l'époque. Mmh. C'est-à-dire que je n'aurais jamais osé aborder une fille. Tu t'es dépassé pour le faire. Ah, encore moins pour ça, mais j'étais poussé en fait. Mmh. Ça m'a surpris déjà. Alors, un massage, je lui ai dit, mais t'es con ou quoi ? Tu sais pas masser. Mmh. Et en fait, j'ai fait des gestes qui me sont venus. Et la fille, après, elle s'est relevée, elle a dit « c'était génial, j'ai plus mal juste après la séance ». Et j'ai pas compris. Mmh. Alors j'ai demandé à ma mère, et ma mère, elle fait du Reiki. Donc, c'est quoi du Reiki ? C'est le comme du magnétisme. Oui, c'est comme du magnétisme, sauf que la technique va être un peu différente. C'est asiatique. Pour le Reiki, qui vient du Japon, il y a une initiation qui se fait. Que le magnétiseur, il n'y a pas nécessairement d'initiation. D'ailleurs, généralement, il n'y en a pas. Je devais avoir justement une intervenante ce soir qui pratique le Reiki et c'est dommage parce que ça aurait été complémentaire. Voilà. Bah du coup ma mère, comme je me suis confié parce que ça m'a surpris, elle m'a dit que je devais avoir du magnétisme et c'est que là ça m'a fait tilt et j'ai fait des recherches, magnétiseur, magnétisme, etc. Et donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas utiliser et j'ai commencé à faire attention à ce que je ressentais et je ressentais des picotements dans les mains à certaines situations, certaines occasions quand j'étais à côté de certaines personnes. Les fourmis, ça revient que les fourmis aussi, déjà tout à l'heure en parlant. Ouais. Sourcier, on a ah oui, clairement, cette évocation. Ouais. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, j'ai commencé à pratiquer dans la famille, même si c'était surtout ma mère qui faisait du Reiki. Mais après, c'était plus les amis, les personnes après que je rencontrais et qui, au cours d'une discussion, me disaient j'ai ça comme problème ou quoi. Je lui ai proposé une séance. Et puis après, j'ai étendu vraiment mon champ de compétences à des inconnus parfaits qui m'ont trouvé généralement par un concours de circonstances assez hasardeux. Il n'y a pas de filière. En fait, il n'y a pas de formation. Et non, il n'y a pas de formation. Moi, je n'ai jamais fait de stage sur le magnétisme. Et tu as essayé de regarder dans la filière suisse, justement, qui ont gardé encore justement cette transmission, cette capacité. C'est intéressant. Pas du tout, c'est sûrement intéressant. Ouais. Moi, après, pour tout ce qui est formation, etc., je n'y vais pas pour une bonne raison d'âge, c'est que ça me coûterait trop cher. Je n'ai absolument pas les moyens. C'est souvent des prix faramineux. Et parce que je ne sens pas que ce soit le moment non plus, ou ni que ça m'apporterait forcément quelque chose, du moins pour l'instant. Et tu n'en fais pas le commerce, donc c'est plutôt une démarche altruiste. Pour faire projeter du bonheur autour de toi, simplement. Oui, voilà, c'est ça. C'est faciliter la vie des gens. Ouais, voilà. Exactement, voilà. Moi, j'aime bien rendre service, en fait, par nature. Je suis assez altruiste. Et j'aime bien discuter avec les gens, échanger. Et c'est vrai que j'attire pas mal les gens. Déjà, avant même que je ne confirme mon don de magnétisme, j'avais déjà remarqué que j'attirais beaucoup les gens qui venaient se confier à moi, même des gens que je connaissais à peine, voire des parfaits inconnus, qui se mettent à me raconter leur vie, et je parle pas des petites grand-mères ou quoi, je parle vraiment de personnes lambda, parfois même assez jeunes, et on a des échanges comme ça qui sont naturellement. Et donc c'est comme si j'attirais, et je me suis rendu compte après que le magnétiseur, souvent, il attire justement les personnes. Je pense, alors de mon point de vue, qui te connaît pas trop, que je t'ai croisé comme ça deux, trois fois, j'avoue que tu émanes une bienveillance. C'est ce qu'on m'a dit. La bienveillance, déjà, c'est vrai, sur certaines personnes, on le lit. Tu vois, on le voit, la bienveillance, il y a un côté rassurant. En restant paranormal, on dira une aura. Une aura, oui, tout à fait. Tout à fait. Pour aller dans l'esprit de l'émission, fais-nous rêver. donne-nous quelques exemples assez précis de beaux succès. De beaux succès. Déjà, le premier que je viens d'évoquer, C'est parmi les plus beaux. Donc alors, le massage. Voilà, le massage. Mais en fait, c'est pas le massage en tant que tel qui a fait effet, c'est vraiment le magnétisme. Mmh. Parce qu'encore une fois, les gestes, pour moi, ils me semblaient vraiment bateaux. Ça m'est venu tout seul. Bon, évidemment, j'ai fait attention à ne pas faire mal. J'ai quand même des connaissances en anatomie parce que j'adorais la SVT quand j'étais au lycée. Et en plus, je suis assez sportif. Mon père aussi est un grand sportif. Donc, du coup, j'avais de bonnes notions du corps. Donc, je faisais pas non plus n'importe quoi comme geste pour pas blesser. Mais je ne pense pas que ce soit mon massage qui était efficace. C'est vraiment, et je l'ai ressenti aussi en y réfléchissant, que je l'ai senti comme ça, c'était quelque chose que j'ai transmis. Alors, comme autre succès, bah là, on va dire, c'est la dernière personne que, dont je me suis occupé, elle avait des déséquilibres, c'est-à-dire qu'elle avait une jambe sur laquelle elle ne pouvait pas s'appuyer, elle avait pas mal. Pas spécialement mal, mais elle ne sentait plus en fait les muscles dans sa jambe. La douleur fantôme. Non, c'est pas ça. C'est, on oublie un membre, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne pouvait pas s'appuyer sur cette jambe, elle se dérobait, en fait, mais elle n'avait pas de douleur précise. Alors, elle a fait des recherches, elle allait voir beaucoup de spécialistes, personne n'a suivi dire ce qu'elle avait, pas de traitement. Elle avait même, en plus, cette pauvre dame, un problème à sa main qui était paralysée. Tout était d'ailleurs du côté gauche. J'allais te le dire, c'est souvent latéralisé. Ouais, tout à fait. Et elle avait donc forcément des problèmes d'équilibre, elle tanguait, avait du mal, se tenait. Et j'ai fait plusieurs séances, j'en ai fait 5, et dès la 3e séance déjà, elle m'avait dit que ça allait beaucoup mieux, déjà qu'elle avait un meilleur équilibre, mais en notion d'équilibre, parce qu'elle perdait la notion d'équilibre. T'as fait plusieurs séances quand même. Là, j'ai fait plusieurs séances. Généralement, il en faut. Je ne peux pas guérir que par miracle en une seule séance, ou alors c'est un tout petit mal, vous avez un petit bobo, vous avez mal, et bah, je fais comme un barreur de feu. Non, puis c'est séance, fatigant, voilà. Quoi. Enfin, pour celui qui le fait, c'est fatigant. Alors après, on en parle plus tard, mais il y a des techniques pour éviter de trop se vider, de trop s'fatiguer. Est-ce que tu donnes de toi, t'as l'impression de transmettre quelque chose quand tu... Oui, il y a quelque chose qui transite par moi, en fait. Il y a un effort de ta part. Oui, il y a un effort de concentration. Et après, moi, si oui, je suis un peu comme un vase communicant. Alors, Reiki, ça va être le système du canal direct. Moi, en magnétisme, je suis un vase communicant, donc je vais me réénergiser et je vais transférer cette énergie à la personne, en fait. Et donc, pour en revenir à cette personne, dès à la 5e séance, elle marchait beaucoup plus normalement. Je ne dis pas que c'était parfait, mais c'était vraiment assez impressionnant quand même le résultat, de voir la différence entre quand elle est arrivée chez moi en chancelante, etc., avec une perte de notion de l'équilibre. Et là, elle descend l'escalier, franchement... Une marche à une sans mettre les deux pieds à chaque fois, sans interruption, se relever sans aide. Et elle m'a dit, mais même chez mon médecin, je me suis relevé sans m'appuyer, sans avoir besoin d'aide. Et le médecin lui-même a été surpris. Donc voilà, et ça, son mari m'a beaucoup remercié. Et puis, c'était une très belle histoire, je trouvais. Une belle rencontre avec des gens que j'ai trouvé très sympathiques, très beaux. Et c'est aussi pour ça que je fais ça, c'est parce que souvent les rencontres et le fait d'aider les gens, il y a un retour. C'est-à-dire que... Un retour immédiat dans le sens où ça me fait du bien aussi d'avoir ce contact-là avec les gens. Et que je sens également un retour sur la perception qu'ils ont de moi, si vous voulez, sur l'énergie de bienveillance qui me renvoie en retour. D'accord. Voilà. Mais par rapport à notre... Tu te fortifies. Oui, tout à fait. Pour qu'on soit... Alors, je vais faire en sorte que monsieur Julien revienne dans... Ah non, je voulais pas interrompre, sinon je n'aurais pas laissé. Parce que là, tu es la personne la plus sceptique sur tout ce qui est para. J'adore les personnes sceptiques et cartésiennes. J'adore. C'est le pire d'entre nous. Hein. c'est le notaire, il arrive avec son dossier. Voilà. Je connais ça, les notaires. Moi, j'ai envie de savoir, par rapport à notre thème de ce soir, le fait d'avoir un pied dans le para, est-ce que ça te fait voir différemment le reste du para? Par exemple, si je te parle de voyance, de bonne aventure, est-ce que tu le vois différemment depuis que tu sais que tu as un don? Ou justement, tu es assez lucide sur le charlatanisme? On va dire, comme ce qu'on vient de lire tout à l'heure, qui est censé être de la bonne aventure quasiment, hein, quelqu'un qui va te parler de toi, te caresser dans le sens du poil. Quelle sensibilité, du coup, tu as par rapport à... Je ne vais pas appeler ça des confrères, parce que pour moi, ça n'a rien à voir. Hein, on en a parlé, on venait seulement de commencer avec toi de parler des arts divinatoires. Comment tu vois ça? Les autres paras? Évidemment que ma perception n'est pas la même, puisque je pratique un art qui est dit paranormal, ésotérique, etc. Après, je reste lucide, il y a... Comme tu disais également, des charlatans, ça existe. Hein. Il y en a qui font avec de mauvaises intentions. D'ailleurs, l'intention qu'ils vont développer vers la personne n'est absolument pas la même. Elle est intéressée. Et si on y est tant soit peu insensible, on peut le sentir. Hein. Ou même juste par déduction également, sans sensibilité extra-lucide, hein, c'est pas obligatoire. Après, oui, évidemment que je vois un peu différemment parce que je me suis énormément intéressé au sujet, aux autres domaines, hein, parce que c'est très vaste comme domaine. Comme bah, tu dis, il y a plein de choses à voir. C'est très intéressant, c'est un sujet très vaste qui me passionne en fait. Et avant, j'étais déjà intéressé, déjà, avant même que je ne découvre ces dons. Et ça me donne par contre, c'est vrai, d'avoir ce don magnétisme, plus envie peut-être de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui va autour. Ça me donne également peut-être une autre vision sur l'au-delà parce que j'ai vraiment fouillé sur le sujet. Après, je ne dis pas que j'ai une meilleure vision parce que je suis magnétiseur, c'est absolument pas le cas. C'est peut-être même pire. Comment c'est ça? C'est-à-dire? Parce que je pense que quand t'as le nez dans le turbin, que t'es vraiment dans l'activité en tant que telle, tu prends d'autant plus conscience de la complexité de tout ce qu'il y a autour et que du coup, tu as encore moins de repères. C'est pas totalement faux, oui. Sur certains aspects, on peut le dire. Des repères sur le reste du para? Ouais. Et que du coup, parce que ça te dépasse tellement que tu es un élément dans l'équation et tu dis, si je ne suis qu'un élément dans l'équation, comment est-ce possible d'avoir une vue globale? C'est pour ça qu'on t'a invité. C'est pour ça qu'on cherchait quelqu'un de ce milieu-là. Ouais. C'est clairement pour avoir des discussions sur tout le para de quelqu'un, un peu comme la dernière fois sur notre émission sur la religion. Je voulais un religieux. Moi, j'ai pas réussi à l'avoir, mais je voulais un religieux pour avoir la spiritualité. Tu vois, on avait le même genre de conversation sur le sujet de la religion. Mais là, ce soir, sur le para, c'est vrai que tu vas mettre de l'eau au moulin, mais de l'eau qui a un goût différent, qui a un point de vue différent. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver après une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques instants après. C'est un rappeur ce soir, c'est Nas qu'on écoute dans son dernier album sorti en 2018, Nazir Production, Kanye West. Le grand maître américain, enfin voilà. On écoute ça, on se retrouve juste après, à tout de suite. The ghetto Othello the more. Oh my God, they speak venomous on the boy. Oh my Lord, my enemy is fear and I'm sure. Oh my God, they want the end of me cause I'm pure. Oh my Lord, discipline for the win. I just go for it, it's a trend for these men to die on their own sword. Journey far, learn who you can be, but you can learn who you are when you around family. Chip off the shoulders of soldiers on a grizzle. My granddaddy Mac Little married Danny Little. They pass down wisdom, blessings were given. Pray my sins don't get passed to my children. I made a killer, I'm alive like the morning star. Call Jordans for the price on stocks of what the Hornets are. I need evaluations, I'm savvy, y'all. Eating foie gras and caviar, listen. Adam and Eve, don't fall too far from the apple tree. Hey. Adam and Eve, Adam and Eve, don't fall too far from the apple tree. The ghosts of gangsters dance, chinchilla shake on the hanger. The force of this banger, yeah, my language advanced. My cadence amazing, the voice triggers something. What is this conundrum? Loud, scurry, your spirit rumble, a boyish smile. Still puff the loud, it's nothing less than a quarter pound. Savage narrative, every verse that I write. Burst light, brings awareness to my personal life. After my morning walk, Havana cigar, the ganja spark. See my doctor more, sweating the sauna or the spa. Spend 50 large at the Bellagio. Spend 20 on a bad bitch, I hardly know. New girl every night, two girls was every other night. Sexual addiction, gangsta tradition. They wanna fuck me, have me under their belt. Slightly offended, yeah, that's how I felt, that's how it ended. I'm just good at existing, existing in my truth, as long as I enjoy the fruit, yeah. Adam and Eve, don't fall too far from the apple tree, yeah. Adam and Eve, Adam and Eve, don't fall too far from the apple tree, apple tree. What come first, piece of the paper? Before I had a piece of paper, peace was in my favor. Before I sat to eat at a table, it had leeches and traitors. Cut the fat from the meat, extract the wheat. Bon appetit, no bacon. Brothers is swine. It's so hard to trust them cause my hustle is mine. It's evident they all the same. With gray hair and still mean mugging. Gray hair's a wisdom, that means you seen something. Say something, you stay frontin'. But these clowns got false crowns, fictional kings. You broke my heart, Fredo. You bring this thing of ours down to a fable, be advised. My God guys dine enterprising at a boss's table. There's always room at my table. Insecurities is keeping you disabled. All this money they get, is it less time? They ain't stopped printing money cause they made mine. I learned to stretch time, these are the best times. I'm in my neighborhood of stadiums, the Mets kind. With restaurants and carboni, spicy rigatoni go hard. A red Bordeaux, oh God. Adam and Eve, don't fall too far from the apple tree. Yeah. Adam and Eve, don't fall too far from the apple tree. Apple tree. Le débat des hauts. On est de retour à l'antenne avec toute la bande du débat des hauts. Toujours notre invité, Jonathan. On était en train de parler un peu du conducteur de l'émission et on a dû prendre une décision assez grave. On a décidé de ne pas évoquer tous les sujets qui étaient prévus. Mais je crois que je vous dis ça à chaque émission. Hein, ça va, tu portes le deuil? Je porte le deuil. Bah, y avait quand même pas mal de sujets. C'est un crève-cœur. Ça s'entend, c'est un crève-cœur. On a viré une partie. Juste avant la petite pause musicale, on était sur Jonathan déjà, le magnétisme, ton activité de magnétiseur. On va essayer de parler ensemble de ce qu'on peut dire sur la voyance, parce que suite au super quiz de notre ami Julien, super test personnalisé, personnalité personnalisée. Alors, il était personnalisé mais faussement personnalisé. Ah oui. Alors l'idée c'est ça, c'est la voyance. Alors est-ce que tous les voyants c'est ça, ou est-ce que il y a plus? Alors ce que dit la science, on ne peut pas prouver que quelque chose n'existe pas, donc on ne peut pas prouver que les voyances n'existent pas. Oui, mais tu nous as prouvé qu'on pouvait se faire avoir. Ah ben, et que c'est particulièrement facile, parce que je connais Lou, je te connais toi, bon, Pigi, il n'a pas tombé dans le piège, je connaissais le truc, mais vous êtes bien tombé dedans, et je sais que vous n'êtes pas... Ça veut dire quoi? Oh, je les connais, et puis... Non, je connais, vous êtes des gens... Elle vient de vous mettre dans une case. Non, parce que vous êtes des gens qui ne sont pas dupes, voilà, vous n'avez pas... Attends, c'est vrai que ça nous permet de faire une petite transition sur Lou. Alors, parce que quand on parlait de Jonathan, on a omis de dire que Lou, toi, tu es assez réceptive, c'est vrai, à ce qui est magnétisme. Alors, je peux pas dire si je suis réceptive ou pas, j'en ai pas rencontré beaucoup, mais c'est vrai que j'ai dit que j'avais une anecdote quand même à raconter. Avec ton bracelet, c'est ça ? Avec mon bracelet. C'est vrai que j'ai un nombre incalculable de bracelets maintenant autour des bras, mais j'ai un bracelet qui a une histoire spécifique. Donc, d'abord, j'ai fait une première émission dans l'heure des loups, quotidienne de 18h à 19h, hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore. J'ai reçu une magnétiseuse, là où je me suis dit que ce serait un premier pied pour rencontrer et pour connaître un petit peu mieux cette discipline. Et j'ai discuté avec elle et elle m'a conseillé de rencontrer une autre magnétiseuse dans Remiremont pour me conseiller pour avoir un bracelet en pierre, en quelque sorte pour avoir un gris-gris. Alors je ne sais pas si... Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai, les gris-gris? Bon, les doudous, on va pas en parler. Mais les gris-gris, voilà quoi. Le fait d'avoir une pierre qui ait des vertus. Est-ce que c'est prouvé? Est-ce que c'est pas prouvé? Non, on va pas laisser la parole à Julien. C'est dans les sujets qu'on devait évoquer. On avait noté les vertus des pierres. Ça tombe très bien. Mais bon, en tout cas, je suis allée voir cette femme... Fabienne, à qui je fais un coucou si elle m'écoute, et je me suis posée devant elle et je lui ai dit écoutez, je cherche à avoir une pierre avec moi, qu'est-ce qui selon vous va me convenir? Cette femme ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève, et elle a pris quelques instants pour respirer ou, je pense, s'imprégner de mon magnétisme. Et elle m'a décrit, mais pas dans ton espèce de machin là. Tu m'as vexé avec ce truc. Non, une variante. Ah, mais tu t'es fait avoir. Une variante. Là, oui. Une variante. Non, c'est pas du tout. C'est pas une variante. Elle a dit des choses qui étaient très personnelles. Ouais. Elle s'est rendue compte que. Et je vais te dire pourquoi elle a pas dit des trucs bateaux, parce que je le sais. Peut-être, surtout que tu me dises. Bah parce que si tu veux, alors quand je l'ai rencontrée, elle m'a décrit et je lui ai ramené ma sœur jumelle qui a vécu des choses différentes de moi, parce que bon, moi, je la connais extrêmement bien aussi, et elle a pas dit du tout la même chose, et c'est même pas qu'elle a employé des mots synonymes, elle a employé d'autres termes et elle l'a aussi bien décrite, mais à sa façon à elle, et elle a dit des choses sur moi que personne ne sait ou que pas grand monde ne sait. Alors, on veut pas savoir, mais des trucs vraiment personnels. Bon, elle n'est pas allée dans les détails intimes en disant t'as eu tant et tant de petits copains et tant de déceptions amoureuses tant et tant de moyennes au bac. Mais elle a cerné les grandes lignes de ma vie, de ce que j'avais fait, de là où j'en étais, de là où j'allais en arriver. Et il s'avère que ce qu'elle a dit, elle a raison. Elle a prédit des choses. Elle était voyante ou elle était magnétiseuse? Mais j'en sais rien. Entre les deux mondes, là. Qui était-ce? On pouvait avoir plusieurs rôles. Hein. C'était en fait une apparence. Une apparition. Non, mais en fait, si je veux résumer, je pense qu'il y a un flux, entre guillemets, une capacité, et qu'il y a des personnes qui ont plus ou moins d'appétence pour être capable de naviguer correctement là-dessus. Et donc, du coup, il y a des personnes qui peuvent être plus en magnétisme, d'autres en sourcier, d'autres en... Jonathan et PJ, vous êtes sensible à ces choses. Hein, je ne vais pas poser la question à Julien. Nous y sommes. Enfin, en tout cas pour moi. Non, mais voilà. Là, donc, typiquement, vous pensez que c'est possible. Je me sens un peu seul, moi. Ouais. Je sais que tu crois. Je suis sûr que tu crois encore beaucoup. J'y crois pas du tout. Mais bon, c'est pas le sujet. Vous avez une sensibilité sur ces thématiques, et vous pensez qu'il y a des personnes qui ont une capacité à deviner, voilà, là, c'est l'art divinatoire. Ils peuvent deviner des choses qu'ils ne peuvent pas savoir. Enfin, deviner en réceptionnant un flux, enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Pour être très précis, je ne pense pas que tu reçois un flux ou que tu en envoies un. Je pense que tu es comme une antenne. Parce que autant influer sur le corps de l'autre par chaleur. Être émetteur et récepteur. Oui, dans ce cas-là. Et d'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement qu'on a des ondes, différentes ondes envoyées par le cerveau. Les θ, les gamma, les oméga. Ça, c'est prouvé, ça. Oui. Non, alors attends, je regarde la caution notariale. Alors, ça a été prouvé dans l'étude des ondes du sommeil. Les ondes du cerveau. Elles ont des noms, certes. Elles ont même des noms, les études. Voilà, elles sont mal. On ne sait pas trop comment ça fonctionne, tout ça. C'est prouvé, ça. C'est très étudié. Les ondes cérébrales, tout à fait. Les crises d'épilepsie. Les psys sont un grand mystère, mais le cerveau est un grand mystère. Mmh. Déjà le corps, la vie est un grand mystère, hein, mais le cerveau, c'est sans doute le truc le plus compliqué du corps. Et les ondes, oui, il y a des ondes et ils arrivent à les mesurer. Les crises d'épilepsie, c'est quand toutes les ondes se synchronisent. D'accord, Julien rigole, on comprend pas trop. Mais d'ailleurs, j'avais encore une autre chose. Non, c'est une joke avec Julien, c'est normal. D'accord. Parce que j'avais une dernière chose à ajouter, parce qu'à la fin, j'ai quand même demandé à cette femme aussi, parce que j'ai entendu dire qu'on a tous différents types de magnétisme. Je crois le magnétisme qui guérit, le magnétisme animal, si je me trompe pas, et celui des médiums. Et je lui ai quand même demandé, moi, si j'étais concernée par ça. Et elle a aussi dit, ça je peux le dire, j'ai pas spécialement peur, même si bon, c'est pas très développé, mais elle m'a dit que j'ai mon troisième œil qui est très ouvert. D'ailleurs, quand je fais de la méditation, je me concentre sur mon troisième œil, et que j'aurais apparemment une capacité de médium. Alors, j'ai pas envie de dire que... Enfin, j'y crois potentiellement, parce que c'est déjà arrivé que je ressente des choses quand il est arrivé quelque chose à ma famille, ou aussi, alors ça on peut me dire aussi, t'as une chance sur deux, mais une nuit, ça par contre, ça m'a marqué, je suis pas prête de l'oublier. J'ai appris qu'il y avait quelqu'un dans mon entourage qui était enceinte, et toute la nuit dans ma tête ça fait « c'est une fille ». C'est méchant là, c'est... Et je vous le donne en mille. Qu'est-ce que c'était à la naissance? Une fille ? Une chance sur deux. Hein. Oui, j'ai effectivement une chance sur deux. Ça, c'est l'esprit cartésien d'un côté. Mais comment ça se fait ? Comment ça se fait que toute la nuit, j'ai cette espèce de voix de serpentard ? Parce qu'à mon avis, moi, mon explication de cartésien pur, c'est que tu avais surtout envie de le deviner. Tu avais envie de te faire... De se faire ce kiff, que ça marche, que tu dises. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que c'est bon ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que je vais avoir ce talent ? Allez, c'est une fille, tu vois ? Eh bien, tu sais, je crois que c'est la première question à se poser pour justement rentrer là-dedans. C'est d'avoir envie ou non ? Non. Ou est-ce que ça s'impose à toi ou est-ce que t'en as envie ? C'est-à-dire que je pense que à peu près tout le monde, enfin, peut-être pas tout le monde, mais je pense que 80% de la population est capable d'avoir à différents degrés. Un accès à tout ça, mais que la plupart des gens se posent la barrière de dire « Narine, c'est pas possible, j'irai pas là-dedans ». Alors, t'es en train de live réagir par texto, c'est ça ? Oui, il y a monsieur auditeur numéro 1 de l'heure des loups qui dit que c'était vraiment très très drôle. Non mais ouais, ça nous a bien fait rire aussi, mais... Bon, non mais après, ce que je veux dire, que voilà, ce que j'ai ressenti quand je t'ai dit cette voix qui m'a pas lâchée pendant toute la nuit, ça c'était... C'était immatériel et c'était là, non, et ça te donnait l'information. C'était 2 ans avant que je rencontre la femme qui m'a fourni ce bracelet. Alors, moi, ce qui me surprend, mais de façon très cartésienne, hein, sans rigoler, c'est que quand tu matérialises pour nous cette voix, on dirait un extraterrestre. Non mais c'est vrai, pourquoi tu prends une voix d'une vieille mamie qui... Et parce que c'est la voix que j'avais dans la tête. C'est la perception qu'elle en a eue. Je fais aussi la voix de Gollum très bien. Hein. Après, il ne faut pas non plus trop se fier à la forme, parce qu'après on dit, bah, ça ne fait pas sérieux, ça ressemble à un film d'horreur. Non mais surtout quoi. Que vous y croyez. Surtout, mais, enfin, non mais je pense que d'autant plus, la forme est personnelle. Ouais, tout oui, tout à fait. La forme est très personnelle. C'est pour ça que c'est très dur. D'en discuter. Dans tous les cas, c'est compliqué d'en discuter parce que c'est vraiment un ressenti. C'est un ressenti. Ce qu'on n'a pas cherché à inviter, c'était un psychanalyste ou plutôt un psychiatre qui explique ça très très bien, tous ces phénomènes d'auto-exigence. Je vous écoute depuis tout à l'heure, je ne vous ai pas trop interrompu. Alors, bah, mais honnêtement, Freud, je suis toujours un peu méfiant. Hein. Freud, c'est de la psychanalyste. Ah non, voilà. on est d'accord. Ouais. Psychiatre, c'est de la médecine. Après, il y a aussi l'autosuggestion. Si, complètement. L'autosuggestion existe également. Ça participe également parfois au développement du don ou en tout cas à la montée en puissance du don. C'est de plus on se persuade, plus on est fort, entre guillemets. Oui, on est tout à fait d'accord. Mais et même quand on soigne quelqu'un, et vous aviez parlé d'effet placebo, j'avais entendu tout à l'heure à la radio, mais l'effet placebo, il n'est pas renié, il ne peut pas être renié. Je pense que quand on magnétise quelqu'un, quand on soigne avec les énergies, il y a aussi un effet placebo, il y a aussi d'autosuggestion et de la suggestion à la personne qui rentre en compte. Ça, évidemment. Après, par rapport à mon expérience et par rapport au ressenti corporel que j'ai pu avoir, je sais qu'il y a autre chose en plus, qu'il n'y a pas que ça. C'est ça, on en revient. Alors, juste une aparté, je vous écoute depuis tout à l'heure et c'est vraiment rigolo parce que j'avais une petite image, mais c'est une image, hein, c'est pas trop radiophonique. Ah, c'est l'image de tout à l'heure ? Oui, qui expliquait la différence entre l'art et la science. C'est très intéressant, on va pas en parler. C'est rigolo parce que. On la mettra sur le Facebook. On la mettra sur le Facebook. Quand... Lou s'en chargera si elle a 5 minutes. Je crois qu'il sait comment le site fonctionne. Je sais pas, hein. On essaye toujours de te fourguer ces trucs-là. Mais, mais l'art est une science et la science est de l'art. Historiquement, l'art et les techniques étaient le même mot, la même racine. Ah oui, mais la technique et la science n'est pas la même chose. La science, c'est une étude, la technique, c'est une application. Éventuellement, la technique de la science, mais pas forcément. Si on fait de la cuisine, c'est technique. C'est la différence entre l'artiste et l'artisan. L'artiste et l'artisan. Oui, peut-être, oui. Voilà, les choses sont un peu floues quand on prend art et technique, technique et science. Mais quand on prend art et science, il y a une différence qui est même plus facile, notamment la science, c'est le fait, la reproductivité, la certitude, l'identification. Parce que tu mettrais du coup le para dans de l'art. Non. Non, non. Disons qu'en fait, un prestidigitateur, c'est un métier d'illusion, c'est son métier, c'est de l'art. Finalement, mais c'est pas du para. Mais disons que le para, c'est pas paranormal. Le para, c'est l'illusion. C'est de la magie. C'est de la magie. Enfin, c'est du show. C'est même du spectacle. Le para fait beaucoup d'illusions. Il y a beaucoup d'illusions dans le para. Non, parce que ça, c'est ton regard de, c'est ton regard de cartésien, de maître loyal scientifique. Non, mais c'est, il y a des cas où on arrive à l'identifier. Il y a des cas, on ne sait pas. On va dire oui, c'est parce que ça marche. Moi j'ai encore envie. Parce qu'on n'y arrive pas. J'ai encore envie un tout petit peu d'entendre Lou sur. Parce qu'elle ne nous a pas dit au final les pierres que tu as sélectionnées. C'est quoi alors c'est des rhodonites. C'est alors je crois ça concerne le chakra du cœur, parce que le chakra du cœur il est aussi grand ouvert chez moi parce que j'ai beaucoup d'empathie. Et ça me permet, je crois, aussi de recentrer mes énergies vers le sol parce que j'ai tendance à m'éparpiller un petit peu, beaucoup. Et ça doit faire 2-3 mois que j'ai autour du poignet. Qui définit les capacités de cette roche ? C'est une question qui m'est posée, je vais regarder. Parce que c'est typiquement scientifique. Comme on a... Est-ce que la roche ne contient pas un minerai quelconque qui diffuse quelque chose ? C'est possible ? Ou est-ce que c'est purement placebo ? Non, c'est possible, je peux pas dire. Conversion des ondes, on utilise bien le quartz comme pour faire de l'énergie électrique. On est d'accord. Mais alors après, tout de suite, on va dériver sur les quartz, enfin, tu sais, les crânes de cristal. Puis on va tout de suite arriver dans Alien Theory sur C8. Qu'est-ce que je veux dire ? Les rhumatisants. Il y a des matières qui servent depuis énormément de temps, le grès pour l'énergie, tout ce qui est quartz, tout ce qui est donc la rhodonite. Mais il y en a d'autres. Hein. Ça a toujours été. Je pense que l'être humain s'en est rendu compte. Certains rhumatisants mettent des bracelets en cuivre. Ça serait efficace. Alors, placebo ou tout simplement le cuivre. Le cuivre a une vertu antiseptique quand elle s'oxyde. Il y a des explications très cohérentes qui existent. Mais on peut pas dire c'est ça. Faut étudier, faut valider. Et à un moment donné, si quelque chose existe, on peut le mettre en évidence tôt ou tard. Tout ou tard. Donc quand on entend dire... Moi je mets toujours un bémol à ça, c'est que si quelque chose existe, on pourra le mettre, ok, tôt ou tard, suivant les moyens de la technologie. Oui, c'est-à-dire que ça sera peut-être dans 2000 ans. Non. L'ouverture d'esprit aussi. La magie dans tout ça, c'est qu'il y aura toujours un doute. Ça c'est vrai. Il y aura toujours une frontière de toute façon. Non mais sur le para, si c'est para, c'est que c'est pas normal. C'est qu'il y a un aspect... On ne peut pas prouver anormal, que ça n'existe pas. Hein, donc, à partir du moment où ça n'existe pas, il y aura toujours un doute parce qu'on ne peut pas le prouver. Et si le jour où c'est prouvé, vous avez vu notre réaction tout à l'heure quand on a évoqué l'acupuncture et l'hypnose. On a remballé, ça y est, c'est fini. Encore il y a 10-15 ans, l'hypnose, tout ça, dans ce genre de débat avait sa place. Mais maintenant, c'est des pseudo-sciences qui sont validées dans les plus hautes institutions médicales. Quel que soit le truc, c'est validé. Mais c'est validé. On s'en sert. Donc moi j'avais noté, c'est pas matérialisé. Attends. Exactement. À l'hôpital et dans des endroits comme je le disais tout à l'heure. Le sujet médical, il faut vite en sortir parce que le sujet médical. Oui, le magnétisme. Moi, je voulais restons sur les roches. Moi, j'ai noté l'émeraude. C'est le symbole de la colère. Non, mais j'ai noté ça. On a trouvé ça sur le net avec PJ tout à l'heure. L'émeraude, c'est la colère. Visiblement, c'est pour concentrer la colère. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque ? Comment on a à un moment donné défini que telle roche c'était tel sentiment, que Lou a réussi à se recentrer grâce à cette roche ? C'est quand même délicat. On se dit, il y a tellement de débauches de moyens scientifiques. À l'arrache en disant j'ai vu ma grand-mère du machin qui a testé. Moi, je vais faire dans le très très simple. Et puis je vais faire un peu intervenir mon fils là-dessus. Mais j'ai déjà remarqué, hein, tu m'en voudras pas, tu as une fascination pour ramasser les pierres. Oui. Comme tout enfant. Ma fille aussi est très bien. Voilà. Ma petite également. Ah, on est d'accord. Et en pleine période, je ramasse des cailloux tout le temps. Surtout ceux qui ressemblent à des quartz. Alors tu valides, Titi, les quartz, qui sont c'est ceux qui l'intéressent le plus. Les cailloux qui brillent. Les cailloux qui brillent, voilà. Toi, les enfants, ils n'ont pas notre couche qui a été rajoutée d'éducation. Ils vont à l'essentiel. Et je pense que c'est fait comme ça, c'est qu'avant les religions, quand on en était encore au chamanisme, aux vies proches de la nature, les gens faisaient des tests, quelque chose leur plaisait, ils trouvaient que ça avait une qualité, ils l'avaient associé à un moment... à une météo, à un événement dans leur vie, et lui donnait donc une qualité. Mais ils avaient une ouverture d'esprit qui faisait qu'ils en étaient prêts à le recevoir et à le faire. C'est génial, parce que c'est vraiment le dessin, la différence entre l'art... Donc là, c'est de l'art, en fait. Hein. Alors, le dessin vous retrouverez demain sur Facebook... C'est pas de l'art, c'est de la spiritualité. C'est-à-dire que l'être humain a besoin que ce soit une expression d'un dessin... Aux choses. Alors, je vais me permettre même de dire... Ou une collection de pierres de s'exprimer. Ce que je ressens quand je vous écoute, c'est vraiment marquant. Je me suis un petit peu documenté, parce que je voulais me mémoriser un petit peu des choses, parce qu'il faut être dedans. Il fallait que ce soit frais. C'est rigolo. Le paranormal, on le met en avant. Le parascience, on prend des termes scientifiques, on les balance. Alors j'ai entendu plein de mots, là. Je ne les ai pas notés, j'aurais dû. Alors magnétisme, on le connaît depuis longtemps. Énergie, qu'est-ce que j'ai entendu ? Canalisation, plein de mots qu'on peut trouver dans les sciences. C'est rigolo parce que... Alors ce n'est pas des mots qui appartiennent à la science ? Et non. Heureusement qu'on utilise des mots connus dans le dictionnaire, sinon je pense que peu de gens pourraient suivre les discussions. Tout n'est pas science. Hein. Ah oui, hein. Les sciences humaines n'ont pas grand-chose de scientifique. Hein. Les religions, tout ça, c'est pas du domaine. Va me prouver le contraire. Il y a une constatation simple. Les religions, il y a des milliards de personnes sur Terre qui y croient. Oui, ben voilà, mais c'est pas une science. Et il n'y a aucune science qui pourra démonter ça. C'est non, c'est pas de l'art. C'est pas de l'art non plus. C'est la croyance, mais. La croyance n'est pas de l'art. C'est pas de la science, c'est tout. C'est pas de la science, mais c'est parce que les gens y croient que c'est. C'est parce qu'on croit en quelque chose que ça existe. Ça existe parce qu'on arrive à le reproduire, à le démontrer, à le reproduire. Quand on est dans les circonstances identiques, on arrivera toujours à le reproduire avec les mêmes résultats. Ça, c'est mis en avant. C'est la définition même de la science, oui, tout à fait. Voilà. Parce que c'est des choses du domaine scientifique. C'est pas parce qu'on y croit. Je veux dire, pendant des millénaires, les humains croyaient que la Terre était plate. Et puis après, pendant des centaines d'années, ils croyaient que la Terre est ronde. Bon, ils reviennent, il y en a qui croient qu'elle est plate. Mais elle n'est pas passée de plate à ronde parce que des gens y ont cru ou n'y croyaient plus. La Terre, elle a toujours été ronde, mais les gens y croyaient qu'elle était plate. Bon, tous. Julien, je crois qu'on parle tous de la même chose. Mais c'est juste tu ramènes forcément ça à l'esprit scientifique. Hein, pour faire simple, pour d'ailleurs, faire très simple. On parle que de la forme au final. Ouais, c'est vrai, on n'a pas d'envie du sujet. Parler de la forme pour discréditer ou accréditer quelque chose, au final, ça peut tourner au rond. Et là, c'est de la rhétorique, il n'y a pas d'argument. Et ce n'est pas scientifique, quelque part, si on va par là. Pour faire très simple, je pense que 80% des choses sur notre planète peuvent s'exprimer par un raisonnement scientifique. C'est d'ailleurs pour ça que le raisonnement a été créé. C'est ce qui est physique, c'est ce qui est palpable, c'est ce qui est testable et reproductible. Voilà, ça c'est dans le domaine de la science. Tout mais il y a de la place pour d'autres choses. Tout ne rentre pas dans ce domaine. Pour moi, c'est complémentaire. Ouais, comme le magnétisme est complémentaire de la médecine. Je n'ai jamais renié la médecine pure et dure. Et je n'ai jamais dit à quelqu'un arrêtez votre traitement, allez voir un magnétiseur et ne faites pas ce que dit votre médecin. Déjà, ce serait illégal de ma part. Et en plus, moi je crois aussi au progrès de la médecine. La réalité. Tu vis dans ta civilisation, tu en fais partie. C'est concret, ça marche. Bon, il y a aussi des effets secondaires, c'est normal aussi quand on étudie la chose. Et pour moi, tout ce qui est magnétisme et on va dire médecine alternative sont complémentaires de la médecine occidentale pure et dure. Comme pour beaucoup de sujets. Et ça peut aider aussi à adoucir parfois les effets secondaires ou à encore améliorer les effets des traitements aussi. Non, mais ce qui va discréditer malheureusement ça, Jonathan, c'est comme dans beaucoup de sujets, pas forcément paranormal, ça va être les gens qui vont détourner le but premier, comme tu nous disais, qui est l'altruisme, la bienveillance, etc. Les gens qui vont utiliser ça à d'autres fins, et surtout à des fins personnelles. Et puis on ne peut pas prouver qu'ils sont plus que les autres, puisque comme on passe... Comment on fait pour les distinguer ? Comme on a aucune base, parce que comme on dit, c'est pas vraiment de la science, c'est parallèle à la science, mais ça existe quand même. Mais finalement, comme on n'arrive pas à le définir régulièrement. On a tous entendu dans les médias des affaires de il y a un enfant qui est mort parce que le chaman de la tribu a dit qu'il fallait pas le soigner avec des vrais médicaments. Enfin, c'est ça le contre-argument. C'est qu'il va y avoir des extrêmes. Sur un mauvais scientifique qui te fasse un mauvais traitement. Comme tu vas tomber sur un mauvais magnétiseur. Ou un mauvais chaman. Tout à fait, oui, mais c'est déjà, il y en a moins, puisque normalement, il y en a moins. Il y en a quand même beaucoup des. On arrive dans la dernière ligne droite de notre émission. On se fait une dernière pause. C'est la dernière. Et après, on se retrouve pour... Parce qu'on a réussi à faire notre conducteur. Là, il aurait un petit baladur. Là, il me manquait baladur. Je ne l'ai même pas. On se met un dernier. C'est Pierre-Edouard. C'est pas baladur. C'est Pierre-Edouard, en 1980, qui nous a fait « À mon âge déjà fatigué ». C'est un truc qu'on trouvait sur Bid et Musique. On a constaté ça tout à l'heure. Et qui, maintenant, ressort dans la compilation France Chébran. C'est des vieux tubes qui n'ont pas marché dans les années 80, qui ressortent aujourd'hui et qui sont super branché. C'était écrit par Jay Alansky, qui était le parolier de Plastic Bertrand. Monsieur Plastic Bertrand, voilà. Donc on écoute ça tout de suite, ça plane, et on se retrouve juste après, parce qu'on a réussi à avancer dans notre programme. On va pouvoir parler de trucs un peu plus arbi. On va parler des fantômes, des esprits. On se retrouve tout de suite. À ton âge déjà fatigué, me répète ma mère complètement alarmée. À propos d'alarme, je viens de foutre police sur la chaîne pourrie de la salle à manger. Pas envie de petit déjeuner, pas de chocolat instantané. Je tiens la pêche, les mecs, ça va cartonner. Chifflote un truc d'Elvis Presley. Encore un de ces chanteurs anglais, y en a tellement, je suis fatigué. « ton âge déjà fatigué. À ton âge déjà fatigué, me répète ma mère, l'air exténué. Je tiens plus en place, faut que je me casse, mais j'ai oublié de faire mon lit. Et tout d'un coup me vient une envie, si je passais prendre chez elle Sylvie. Sur ma bécane à peine trafiquée, tiens qu'est-ce qu'elle a dit, tiens qu'est-ce qu'elle a dit. Ça me fait plaisir, t'y aies pensé. Les gars, je me sens plus, je crois rêver. Cette fille est super merde, il est le quart. Faudrait que je me grouille pour l'embrasser. Je vais assurer mais pas me fatiguer. T'es là à rien foutre, à traîner. Réveille-toi mec, à la nuit à TP. Dans le coup Sylvie me plaque un baiser. La vie est belle et sans se forcer. Le prof lui devrait se relaxer. Il a des tics qui me fait flipper. Je comprends rien, de toute façon c'est râpé. Mon interro, je l'ai massacré. Je pense à Sylvie qui est vraiment frappée. Puis les pantalons à damier. La nouvelle mode chez les Anglais. Y'a tellement de trucs, je suis fatigué. Déjà fatigué. Direct, hein, pas de transition, sans transition, nous revoici à l'antenne du débat des hauts pour parler avec notre joyeuse bande de notre sujet de ce soir qui est le paranormal. Vous revoici, le retour est peut-être un peu haut, non? J'ai l'impression qu'il y a un début de l'Arsène. J'avais poussé le son à fond pour la musique que tu nous as passée. Hein. Bon, très... moderne. On va aller dans une autre direction. J'ai peut-être voulu intervenir une dernière fois, juste pour conclure, assez rapidement, pour répondre à notre ami Julien. En fait, je voulais rajouter peut-être que la religion et la science et la spiritualité, tout ça, sont peut-être juste des prismes pour percevoir et comprendre certaines choses. Et elles ne sont pas forcément antagonistes, elles peuvent être même complémentaires. Et ce qu'on disait un petit peu offline sur les pierres, par exemple, c'est que les pierres peuvent avoir un pouvoir... potentiellement à cause de l'onde vibratoire qui vient des atomes. Et là, quand on parle d'atomes, bah là, ça dérive plutôt sur de la science. Et c'est ça qui est très bien avec la physique quantique, c'est que la physique quantique fait le lien un peu avec une certaine spiritualité, ou en tout cas des choses un peu éthériques et qu'on ne comprend pas bien. Et la science, et ne renie pas la science, mais ne renie mais pas les phénomènes qu'on n'explique pas. L'éprouver. C'est la question que je vois. Pourquoi parce qu'on n'arrive pas à l'éprouver? On est encore là, je suis pas de la science. Mais bien sûr, il faut conceptualiser tout ça. Au début des années 60, vers 62, 63, il y a des scientifiques de plusieurs endroits du monde. Mm. Le plus connu, c'est Higgs. Le plus cunu. Le plus cunu de Higgs. On a entendu la même chose. Ouais. Arrivé à cette heure-ci, bon. Oui. Non, le plus connu, c'est, il y a 5-6 scientifiques différents. Le plus connu d'entre eux étant Steve Higgs, s'est dit, il y a quelque chose là, il y a un boson, ils appelaient ça. Ils savaient que pour eux, c'était un boson, donc une particule élémentaire qui a cette particularité. Et ils en sont arrivés quelques années après à se dire, c'est quasiment sûr, on est convaincu, pas prouvé, convaincu qu'il y a ce fameux boson. Il a plusieurs noms, le plus connu c'est... C'est très scientifique. Boson, hein. Boson de Higgs. C'est très scientifique. C'est la soirée du paranormal. Oui, mais c'est ils en étaient convaincus. Paranormal. Et dans leur esprit, la question était de savoir, mais est-ce qu'ils se trompaient ou pas? Ils ont prouvé en 2013 que c'était vrai. Ils ont mis 60 ans... dans 50 ans pour prouver leur certitude. Nous sommes ils en étaient sûrs de la science. Ils en étaient certains. Ils c'est en étaient nous, convaincus. Ils étaient certains du truc et ils disaient on pense que mais il faut qu'on le prouve. Et ils ont mis alors là on parlait tout à l'heure pour les sourciers 20 000 €, c'est pas 20 000 € hein, qu'ils ont mis pour mais le prouver. Ça veut dire que le boson n'existait pas tant qu'il n'avait pas prouvé. Ça veut pas dire. Pourtant, ça pas. Veut dire que bah pour l'instant, il n'existe pas. On pense que, mais pour l'instant, il n'existe pas. Bah si, il faut qu'on le prouve. Il existait avant. Oui. Il n'a pas été découvert. C'est ça. Voilà. Et les scientifiques font des découvertes. Voilà. Mais ils en étaient convaincus. Donc ils l'ont cherché. Hein. 63 à 2012, je crois. Calculé, une paire d'années, ils ont mis les moyens pour réussir à ça parce que il fallait en être sûr parce que si c'était pas bon, bah, le reste pouvait pas. Et voilà. Et ça, c'est une démarche scientifique parce que. On a tous les éléments qui permettent d'en être sûr, mais pour l'instant, ça reste une théorie. On sort. On doit la prouver. Voilà. On sort de la science. Bah non, on sort de la science. Tu n'as plus le droit de dire le mot science. Sors de secours. Eh bien, ça tombe bien. Ça tombe bien. Parce qu'on voulait parler de la partie vraiment occulte. De la mort, des fantômes et des esprits. Alors. Moi, je vois... Qu'est-ce que vous avez un fantôme, à dire de l'autre côté alors, de... C'est parce que hors antenne, on avait PJ qui a demandé. Alors je vous explique un petit peu les off the records. PJ a demandé à de façon comme ça très simple. Direct. À Jonathan. Toujours direct. Ouais, c'est les esprits. Est-ce que tu aurais eu des contacts? Une expérience. Ouais. Une expérience. Qui en a vu? Alors non. Alors vu. Alors attends. Perçu, comment? Ressenti. Vu, visuellement, ressenti. Pour ta part. Ouais. Vu, ressenti, temporisation arrêtée, le temps qui s'arrête, la perception de voir une forme, de distinguer une forme humaine de plus en plus qui s'approche. Éthérique, ça porte bien son nom, ça ne marche pas, ça flotte. Et ça se passe à des moments où on ne s'y attend pas, à des endroits où on ne s'y attend pas. Et t'avais pas un état d'esprit qui aurait pu justement te alors, convaincre qu'il y avait quelque chose. Alcoolisé. Ou... Alors il n'y avait pas d'alcool, il y avait de la fatigue comme tout le monde. Mais c'est surtout ce qui est très particulier qui fait qu'on sait qu'on n'est pas dans un rêve, c'est le fait que le temps s'arrête. La notion du temps n'est plus la même. Dans l'expérience que tu as vécue. Ouais. Est-ce que tu l'as vécu plusieurs fois ou qu'une fois? Deux fois. Deux fois. Et le temps ne défile plus de la même manière. Alors, à ces moments-là. Je vais le faire. Et c'est ça qui est vraiment très frappant. Je vais le faire une bonne fois. La luminosité va savoir. Non, c'était deux vierges blanches à chaque fois. Alors vierge. Sur deux lieux. Vierge. Sont... Alors le terme de dame blanche, de vierge ouais. blanche, de bon après ça dépend des cultures, mais ça revient assez régulièrement. Oui. Le messager aussi, on peut l'appeler comme ça. Et donc à deux endroits qui étaient des endroits de violence, des endroits où il y avait un des accidents routiers réguliers, un virage dangereux, et à un autre endroit un ancien champ de bataille. D'accord. Et c'est vraiment paralysant parce que on sent que une seconde dure une minute. Donc on sent que dans notre physique fondamentale à X dimensions ou dans ta perception. Ouais. Il y a quelque chose qui s'arrête. On se sent inefficace parce que par rapport à ce qui est, si on dit je veux bouger un bras. Parce que clairement notre voilà. notre temps à nous ne s'est pas arrêté, mais dans ta perception du temps. Ouais. Une seconde a duré une minute. Exactement. Ça, t'es conscient tu que la planète danger, c'est. Peut-être non. Et bah, un grand vide. Un grand vide. Mais un vide comme c'est difficilement imaginable. Par D'accord. contre, la totalité des sens fonctionne. C'est comme si en fait on avait d'un coup un sens autre qui venait s'ajouter. D'accord. Je peux pas mieux le définir. Et après, d'un seul coup, ça revient à vitesse normale. Et il n'y a plus rien. Alors on a maître Julien Yoda. Qui non, mais c'est... va nous apporter du cartésianisme. Ah mais voilà. Dawan petit, moi t'apprends. Parce que Jonathan, toi t'es sensible à ça aussi? Alors oui, mais moi je n'ai pas vu, ressenti des fantômes, je dirais. J'en reviens encore du coup au magnétisme, parce que j'ai eu des ressentis particuliers durant certaines séances. Et je ne m'explique pas, il y a eu un moment donné, sur une séance avec une personne, j'ai eu envie d'extirper quelque chose. Alors, je ne sais pas quoi. C'était pas du tout rationnel. C'est ça ressemblait à l'exorcisme, alors. Ouais, ouais. Bah, un peu. Mais alors, attends, je vais finir mon histoire. Quand j'ai extirpé, moi, je pensais que c'était juste un mal ou un point, on va dire, d'énergie dégradée, on va dire, quelque chose comme ça. Oui, j'emploie des termes peut-être un petit peu ésotériques. Je me comprends. J'espère que tout le monde me comprend. Non, mais c'est difficile, mais c'est de mettre des mots là-dessus. C'est très difficile. Voilà, ouais. Et en fait, ce qui est venu... J'ai senti, parce que ça m'a assailli en fait, ça m'a fait un peu peur, ça m'a surpris, c'est comme si j'avais pris un coup, mais un coup, j'ai ressenti que le vent en fait qui m'a traversé, et en fait je me suis senti attaqué par quelque chose. Qui n'aimait pas ce que je faisais, qui voulait rester là où il était, et donc du coup j'ai continué à l'extirper en comme si j'essayais de l'attraper, pas avec mes mains physiques évidemment, mais je visualisais comme si je l'attrapais cette chose. Tu sentais une force, une oui, présence, c'est ça, résistance. Quelque chose qui résistait, qui voulait pas quitter ce corps. Elle m'a pas fait mal, mais qui était spatiale. Mais ouais. C'était un peu flippant, parce que il y avait quelque chose de très négatif qui émanait de cette force. Et en fait, je dirais pas que c'est un fantôme ou quoi. Je vais employer un terme très générique. Pour moi, c'était une entité. Ouais. Alors, les entités peuvent avoir plusieurs origines. Ça peut être la personne qui se l'est fabriquée au cours de sa vie à cause de certaines expériences ou quoi. Ça peut être, après, on parle aussi des grégores, mais le moi, le seul là, sur moi, plus vaste. Ça peut être une entité qui a pas pris possession, mais qui s'est fixé sur l'aura de la personne qui vient de l'extérieur. Il y a plusieurs en fait origines à ces entités-là. Et là, on peut dire que sur ma pratique du magnétisme, il y a une certaine forme d'exorcisme. Je ne dirais pas que c'est l'exorcisme comme dans le film, l'exorciste, hein, et je ne suis pas prêtre. Pas l'exorcisme gréco-latin non, de voilà, l'Église vaticane. Mais on va dire une sorte d'exorcisme laïque, et je ne l'ai pas voulu en fait. Je ne savais même pas qu'il y avait cette chose, et maintenant, j'y fais plus attention. Mmh. Parfois, je ressens qu'il y a cette même sensation, je sens qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur, et j'ai déjà extirpé plus la chercher d'autres maintenant. Entités. Mais ça, tu t'en méfies maintenant. Je m'en... non, parce que j'ai quand même réussi à développer des techniques en faisant mes propres recherches, en demandant des conseils pour me protéger. J'en ai pas peur. Oui, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, donc il faut faire attention. On avait évoqué avec un invité qui n'est pas venu ce soir, c'est vrai que le sujet de l'exorcisme, du côté du religieux, c'est vécu exactement de la même façon. Ouais. Les termes que tu emploies, c'est exactement ce qu'une personne qui devait venir ce soir a évoqué en parlant de ça. D'accord. Donc même du côté religieux, ils voient ça comme ça. Ah oui, ils ont la même vue. Hein. Ils appellent ça l'église gréco-latine. Ouais. Donc ça veut dire que c'est plus vieux que l'église en tant que telle, et que l'église l'a incorporé dans ses pratiques. Ouais. Alors il m'a même expliqué qu'il a eu l'expérience. Expérience donc chez quelqu'un qui a donc dans une maison où il y a eu un exorcisme religieux hein, de sa religion, il y a eu cet exorcisme et visiblement l'entité qui a été extirpée du corps est restée dans la maison et a hanté la maison. Et ils y croient alors que c'est quelqu'un de très, alors à contrario du cartésien scientifique, c'est le cartésien religieux, tu vois, il a une foi un peu contradictoire. Le croyant, on appelle je pense ça. Que vous voyez de quoi croyant. Je veux dire. Non, c'est-à-dire qu'il est tellement dans sa foi qu'il n'y a pas de place pour les entités. Exactement. Il est obligé de les affronter quand même. Il m'a précisé que c'est ça qui est paradoxal. Il expérimente, lui, il n'a pas le choix. C'est ça. Voilà, et surtout, c'est en contradiction avec leurs croyances. Si vous fermez les yeux, il part pas, c'est ça. Pardon. Non, je vais. Ah bah moi je peux dire que j'avais strictement aucun contrôle de mon corps vu que le temps était dilapidé et que le fait de fermer une paupière, j'avais l'impression que ça durait 3 minutes entre le moment où je donnais l'ordre et le moment où elle se fermait. Et donc par définition, j'étais totalement. Et puis vu comme j'étais vide à la fin de l'expérience, mais vidé, j'ai eu besoin de 3-4 jours de vrai bon sommeil pour me remettre. Je me sentais complètement vidé, hein, clairement. Et moi j'ai pas eu de vision, donc fermer les yeux, j'aurais eu le même ressenti. D'ailleurs, à un moment, j'ai refermé les yeux justement pour me concentrer et j'ai senti les sensations tout pareil, ça m'a aidé à visualiser à visualiser, on va dire, le fait que j'extirpe cette entité. Et cette entité, elle est restée dans la salle, j'ai dû ensuite la chasser, en fait, et là, j'ai même commencé à parler à voix forte, ce que je ne fais jamais en séance, et j'ai commencé à avoir peur, pas de l'entité, mais de moi-même. Ouais. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais ? Je suis en train de devenir fou, en fait. Comme si j'avais enveloppé dans une bulle et envoyé ailleurs, cette entité, là où elle serait mieux, où elle serait soit traitée, soit sur son plan, où elle est censée aller. Voilà. Bon, après, je vais pas tout expliquer sur les points, etc. Ça va être beaucoup trop vaste. Mais voilà, c'est ce que moi, en tout cas, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai ressenti. quelqu'un d'autre pourrait avoir notre ressenti. Mmh. Et effectivement, ce n'est pas la science, ce n'est pas cartésien. Tout à fait. Et j'en profite juste pour rajouter que tu sais que Descartes, il est très intuitif. Mmh. Et qu'il parle d'ailleurs dans ses traités d'intuition et de choses qui n'expliquent pas par la science. Donc il ne faut pas trop parler de cartésien en parlant de scientifique. Non, mais... Descartes était quelqu'un d'extrêmement intuitif. La cartésianisme est plus compliqué que le scientifique. Exactement, c'est plus complémentaire. Et la méthode de Descartes n'exclut pas l'intuition. Tout à fait. Et Descartes était religieux, comme tous les gens de son époque, mais il ne disait pas que Dieu c'était de la foutaise, il ne rejetait pas la religion, il l'incorporait à cette vision. Il est 22h, il est 22h, on va arrêter dans quelques secondes. On a commencé, voilà, c'est le juge, il y a le notaire. Alors on a commencé un tout petit peu en retard, c'est pour ça qu'on va donner la parole à Lou par rapport aux esprits, par rapport à ce qu'on est en train d'évoquer. Une petite pensée. Ton approche, comment tu vois ça toi ? J'ai deux approches assez différentes parce que comme je suis assez... j'ai pas envie de dire crédule, mais je suis assez sensible à beaucoup de choses, je m'en rends compte, je sais que je suis très sensible, donc ça peut être possible. Alors il y a deux choses quand même, il y a deux cas où j'ai cru que j'étais en contact avec des esprits. Déjà premier, vous allez rigoler, c'est après avoir vu des films d'horreur où je pouvais plus fermer l'œil de la nuit et je croyais ressentir des choses. Ça peut être de l'autosuggestion, on est d'accord. Ça peut être... Mais il y a un autre mais. C'est totalement l'autosuggestion, tout ça. Attends. J'ai pas fini. J'ai aussi perdu mes deux grands-mères à 6 ans d'intervalle. Et à chaque fois, j'ai eu énormément de mal à me remettre de ces deuils. Déjà, j'ai une approche assez difficile des deuils. Mais la première grand-mère que j'ai perdue il y a 8 ans maintenant, elle est venue me voir une fois en rêve pour me dire qu'elle allait bien et qu'il fallait plus que je me soucie, et c'était je crois presque un an après sa mort, et après ça allait mieux. C'est souvent un an après. Ouais. Non, l'autre grand-mère ça a été un peu plus rapide. L'autre grand-mère c'était il y a 2 ans, c'était vraiment violent, parce que je m'étais encore plus attachée à elle, parce que j'avais encore plus peur qu'elle parte. Et alors est-ce que c'était de l'autosuggestion ou pas, mais je me suis posée à un endroit qu'elle connaissait, même si ça faisait très longtemps qu'elle y était pas allée. J'avais le sentiment qu'elle était là, et je me suis fait comme si elle était là, et je lui ai lu un poème comme si elle était là. Et après, je me suis sentie mieux. Donc, il peut y avoir des présences, il peut y avoir de l'autosuggestion, on est d'accord. L'esprit peut créer beaucoup de choses. Après, est-ce que l'esprit crée des choses ou pas ? On n'a pas parlé après, de choses. Après, Russell Prouvé aussi. Je suis assez aussi régulièrement victime d'hallucinations auditives, c'est-à-dire je crois entendre des choses, je suis sûre d'entendre des choses qui ne sont pas censées exister. Donc, on ne sait pas. Mais il y a des choses... qui peuvent être vraies, des choses qui peuvent faire être... Faire le tri après. Voilà, il faut savoir faire le tri, c'est sur cette note que je voulais m'arrêter. Après, j'ai envie de dire que tant que ça te fait du bien à toi, que ça ne fait aucun mal aux autres... Que ça ne t'apporte pas de souffrance, quoi. Voilà. Oui, justement. Mes deux grands-mères, ça m'a soulagée. On se quitte là-dessus ? Très bien. On se quitte là-dessus, on se dit à dans un mois, on sera dans peut-être... Dans quatre semaines, on sera peut-être aussi nombreux autour de la table, on sera peut-être tout seul, on ne sait pas, on va voir. On se retrouve dans tous les cas dans un mois, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Nous, on est encore dans les studios pendant une petite heure, on va passer un peu de musique, on vous dit à bientôt. Et à bientôt. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt.